C'est fini pour ce soir. Allez mater un magnifique vidéo de Lilou. Si vous voulez passer une bonne nuit, franchement, ça vous met nickel, juste avant d'aller vous pioter. Ah, en mais écoutant juste avant, bien sûr, Mickaël, nos limites. Bah oui. Tiens, elle est là, Lilou. Elle est partout, Lilou. Suce ma bite. Ah, mais quand tu veux, Lilou, bien sûr, avec plaisir. T'as Lilou qui me fait une proposition descente. Tu entends ça, Mickaël? Écoute, oui, j'entends ça. C'est assez improbable. Je rappelle que Lilou, vous la retrouvez tous les soirs à la fin de l'émission. Elle revient exceptionnellement pour le générique de fin. Hein. Et elle ne dit jamais bonjour ni au revoir. Je trouve ça un petit peu limite de sa part. Elle vient 2h du mat. Et... Ouais, exactement. Juste pour terminer le générique de fin. Et je trouve ça pas mal de sa part. C'est dommage qu'elle ne dise pas bonjour au revoir. Quoi. C'est parce que j'ai ma voiture qui m'attend en bas, tu vois. Donc j'ai juste le temps de dire suce ma bite, je le fais et je repars. Parfait, mais maintenant j'en ai un nouveau. Est-ce qu'on peut me redécouper celui-là, le stagiaire? Comme ça j'aurai une petite on t'aime notre Lilou. Ah oui, c'est parfait. C'est notre petit chouchou. Le doc est très excité quand il entend Lilou dire ça. J'imagine. Non, j'écoute. Il a disparu du studio pendant quelques secondes. Ouais, il fait déjà ses affaires. Hop là, ça y est, parti. Là, il est parti. Ouais, je suis là. Bah voilà, très bien. Demain, on fera enregistrer le mot doc à Lilou et on fera doc sus ma bite. Oh ouais. Ça l'excite déjà, c'est cool. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Lilou nous a dit pendant une émission qu'elle était avec le doc. Oui, ouais, non. C'est ça. Elle a bon goût. Elle a bon goût, doc. Elle était avec le doc à la boulangerie. Non, oui, voilà. Pour acheter une baguette. Acheter des bonbons. Ah oui, une grosse baguette. Une belle bonne grosse baguette. On a compris. Bon, retour de Loving Fun demain 20h. Ouais. Ça marche. Et nous, on est parti jusqu'à 2h du matin. Bonne émission. Ciao. Suce ma bite. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment ça va ce soir? J'espère que vous êtes en pleine forme. Toute l'équipe est au taquet pour vous donner encore 3 heures de rêve ce soir. Ouais, c'est beau. Je me suis peut-être un peu emballé. Bon, je m'appelle Mickaël, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Dieu sait qu'il y en avait beaucoup des nouveaux, hein. Plus de 12 000 depuis hier sur le Facebook. Donc pour les nouveaux, alors moi c'est Mickaël, M-I-K-L, hein, dont Mickaël Nolimi, c'est le principe. On est là du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat et tous les dimanches de 20h à minuit. Pour ceux qui nous ont découvert hier, vous connaissez cet horaire évidemment. Et pour venir délirer ou réagir, n'hésitez pas, vous appelez maintenant le standard, il est là, il est ouvert, il y a Sandro qui décroche, 01 42 48 5000, et on a également Dexter, hein, le stagiaire, qui s'appelle Dexter, enfin il s'appelle pas Dexter, mais il ressemble tellement à Dexter Morgan qu'on l'a surnommé comme ça, et pour la Belgique, donc 02 851 4x0. Hier je l'ai croisé sous la pluie, je failli mourir. Bah tu m'étonnes, il était là avec des plastiques et tout ça, non? Non, ouais, il était là et tout, il était dans la rue, il pleuvait et tout, moi j'ai cru qu'il allait m'agresser. Tu m'étonnes. Bon, il y a la photo, allez voir, la semaine dernière on avait posté une photo avec où on était avec l'équipe, avec il y avait, je pense pas que t'en faisais, il y avait Sandro, il y avait Polo, et puis il y avait Dexter au fond là, c'est assez improbable, il ressemble vraiment à Dexter, c'est un truc de ouf quand même. Bon, donc vous nous appelez 01 42 48 5000 pour parler de ce que vous voulez, le retour à l'école aujourd'hui, comment ça s'est passé pour ceux qui ont été bossés, qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui, venez nous en parler. Pour la Belgique, 02 851 4x0, et comme Laura qui est avec nous de Marseille. Salut Laura. Salut Laura. Comment ça va, Lolo? Bien, ça va. Bon, ça très va. Bien, sois la bienvenue. 18 ans. Merci. Dans Marseille. Comment ça va dans le sud? Ça va très bien. Ça va très bien, tranquille, ouais. La famille va bien, les amis vont bien. Le retour à l'école aujourd'hui, ça s'est bien passé? Je suis pas à l'école. Ah d'accord, tu fais quoi? Je suis apprenti. Ah ouais, donc toi t'as pas eu des congés toi. En fait, t'as tous les désavantages de l'école, du travail, sans les avantages de l'école. C'est ça. C'est ça en fait, hein, c'est bien résumé. Ah mais c'est un peu ça, c'est un quel peu enfume. Ça. Bon, du coup, aujourd'hui, t'as bossé? Oui, j'ai bossé, oui. Bon, très bien. Bon, alors, reste avec nous. Hein. On va accueillir Sandro également, qui est avec nous, là, en pleine forme. Hein. Bah oui, comment ça va? Bah oui, très bien. Ouais, ouais, ça va bien. On parlera de quoi dans un instant avec toi, Laura, au fait? Bah, en fait, que moi, je suis en couple avec un garçon, ça fait 2 ans, et j'ai jamais vu sa photo, j'ai jamais vu comment il était. Et tu es en couple avec lui, mais tu n'as jamais vu sa tête? Non, j'ai jamais vu sa tête. D'accord. Comment il est, j'en sais rien, c'est l'obèse, mais je sais pas. Ah, d'accord. Tu devrais essayer, Sandro, là. C'est pas mal comme technique, pour avoir un mec. Pas. C'est comme elle galère un peu pour l'instant, Sandro, là, donc, ça peut être un bon plan. Ça peut, bah, écoute, on va en parler, Laura. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec des gens comme ça via internet ou via courrier à l'époque, et vous n'avez jamais vu leur tête? Ah non. Vous ne ah les non. avez jamais vus, mais pourtant vous sortez ensemble. Mais sexuellement, ça doit mal se passer, Laura, quand même. Comment? Sexuellement, non, ça doit quand même mal se passer. C'est quand même relativement plat, non? Non, je me mets le téléphone et puis il vibre à l'intérieur. Ah, bah super. Non, non. Bon, parce que sinon, je peux te présenter, on a deux nouveaux amis. Alors attends, on a deux nouveaux amis. On a Gilbert le Magnifique et GG l'Explorateur. Ouais. Voilà, on peut te les présenter. Hein. On va essayer, on va mettre des photos. Je vais vous les mettre sur Twitter dans un instant. Sur Mikael underscore officiel. D'ailleurs, ajoutez-moi si vous voulez, n'hésitez pas. Et si vous m'ajoutez, bah, je vous ajouterai également à ma liste avec grand plaisir. Donc, Mikael underscore, c'est la petite barre en bas. Mikael underscore officiel sur Twitter. Je vous attends, je vais vous mettre la photo de Gilbert le Magnifique et de GG l'Explorateur dans quelques minutes. Beaux, hein. Et on en a à vous offrir. Magnifiques. On en a à vous offrir. Est-ce que la voix off est prête? On en a à vous Bien offrir sûr. Grâce à. passagedudésir.fr. Quelle horreur, oh là là, cette voix de merde, c'est quand même assez exceptionnel. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Ouais, je pense que c'est ce qui reste de mieux à faire. Donc ça t'intéresse, Laura, là, Gilbert l'Explorateur? Non, Gilbert le Magnifique et GG l'Explorateur? Pourquoi pas, oui. Ah, bah écoute, très bien. En même temps, si t'as jamais vu ton mec, c'est normal. Bon, oui. Toi aussi, il aime bien les relations par téléphone. Ah oui, j'adore. C'est surtout pour être dominé, bien sûr. Ah oui. Bah oui. Et dans ton cul, au connard. Voilà. J'ai compris, plus de pute. Voilà, tous ces gens qui l'aiment, qui l'aiment, qui l'aiment, qui l'aiment. C'est une star. Oui. Et en parlant de dominer, il y a une meuf qui m'a donné de bonnes idées pour tes appels ce soir. Ah bon? Oui, on va en parler dans quelques minutes. Mais avant, un petit peu de douceur. Ah. Un petit peu de pipeau. Est-ce que ça t'excite un minimum, Laura, quand Polo joue du pipeau? Non. Non. Comment ça, non? C'est bizarre. C'est bizarre. Tu sais, il y a beaucoup. J'excite beaucoup de filles avec ce paraît-il. Pipo. Ouais. C'est le pipo, à mon avis. Alors que tu pourras avoir une belle relation à distance avec Polo. Oui, oui, c'est ça, exactement. Laura et Polo seraient beaux. Et puis, on n'oubliera pas également de suivre le top Twittos comme tous les soirs si vous voulez participer et peut-être même rejoindre le top 5. Il vous suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Mikael. Et puis, à la fin de l'émission, on donnera le top 5 des auditeurs les plus actifs. Est-ce que ce sera Let's Be Freaks qui va revenir de sa place, qui va revenir à sa place, pardon, numéro 1, puisque hier, elle a terminé. Et seconde, bah vous le saurez à la fin de l'émission, donc aux alentours de 2h. D'ici là, allez-y, vous mettez un maximum de hashtag Mikael sur le Twitter de l'émission. Je compte sur vous. Retour des vacances, mais c'est pas grave, je suis sûr que vous êtes là derrière et que vous allez pouvoir vous aussi peut-être terminer numéro 1 ce soir au Top Twittos. Bon, est-ce qu'il y a un son que tu kiffes particulièrement, Laura, en ce moment? Oui. Lequel? Selena Gomez. Bah écoute, pourquoi pas, on peut te le mettre, Selena Gomez, tiens. Lequel? Le dernier Slow Down, celui-là. Oui, voilà, celui-là. Très bien. Eh ben écoute, on va te le mettre dans quelques minutes, si tu veux, Selena Gomez. Ouais. Bah écoute, avec plaisir. J'avais prévu aussi Alesso et Calvin Harris, Under Control. T'aimes bien ou pas? J'aime bien aussi. T'aimes bien aussi. Ou alors évidemment mon remix de Britney Spears avec War Beach. Moi je veux bien. Fucker. Ça peut être une idée ça. On va voir tout à l'heure. Bon, si vous avez des propositions en tout cas à faire, vous êtes les bienvenus. Et elles sont les bienvenues, les propositions. Hashtag Mikael sur le Twitter, bien entendu. Et par SMS, vous pouvez envoyer Mikael au 64 900. Ou alors au 3044 depuis la Belgique. Bon, il y a aussi des cadeaux avec la Xbox One qu'on vous offre ce soir. La Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost, qui ne sortira d'ailleurs que fin du mois de novembre, le 22 je pense, si mes souvenirs sont bons, et en janvier pour la Belgique. Et nous, on vous l'offre évidemment en exclusif, évidemment total. Voilà, donc si vous voulez gagner, eh bien cette console Xbox One avec le jeu qui va bien, le jeu Call of Duty Ghost, ce sera dans la colle dans quelques minutes. Et je vous en avais parlé hier, j'ai également les DJ Control Instinct. Wow. Wow. C'est exactement une espèce de mini table de mix en MP3. Vous pouvez mixer directement, il n'y a plus besoin de CD ni de vinyle ni rien. Bref, c'est la folie totale. Donc, essayer de l'utiliser pour voir s'il peut devenir presque DJ. Mais oui, je vais vous montrer mes talents. Ouais, quel talent. Donc, mes talents de presque DJ. Est-ce que tu y crois, Laura, toi? Tu penses que Toff peut devenir DJ? Oui, je pense, oui. Ah ouais, donc t'as vraiment pas d'oreille alors, hein, Laura. En même temps, elle est amoureuse d'un mec par téléphone. Hein. Pas faux. Et elle aime pas le pipeau. Effectivement. Bon, bah, call du jour, on fait ça maintenant. Laura, reste avec nous. Il y a Ruben qui est là. Salut Ruben. Salut. Comment ça va? Ça va, et toi? Bah ouais, tranquille, t'iras peut-être mieux d'ici une heure et demie, là, quand tu seras peut-être l'heureux propriétaire de la Xbox One avec le jeu Call of Duty Ghost. Wow. Bah là, j'espère. Hein. Bah ce serait pas mal. Et alors, je rappelle que Shane, qui en a eu hier au téléphone pendant la call, lui, parce que c'est vrai que ça arrive pas souvent non plus, qui était le poseur de call et qui a gagné parce que personne n'a décroché. En tout cas, on est tombé sur le répondeur. Donc peut-être que ce sera pour toi aussi ce soir. En tout cas, je te le souhaite. On y va, Ruben, fais péter la call. Je rappelle le principe, tu donnes une call. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh bien il envoie sa réponse par SMS ou via le Facebook. Et s'il est tiré au sort, eh bien il donnera sa réponse à l'antenne. Si elle est bonne, il gagne, tu perds. Si personne décroche ou que personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Ruben. Ok. On t'écoute. Alors, je tombe sans me faire mal, ni de bruit. Qui suis-je? Je tombe sans me faire mal, ni de bruit. Ni de bruit. Donc en gros, je tombe sans me faire ni mal, ni y a pas de bruit, quoi. Il y a pas de bruit, voilà, pas de mal, exactement. Et ça fait mal. Bon, d'accord. Qui suis-je? Ouais. Bon, je répète. Je tombe sans me faire mal, ni de bruit. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L, les 4 lettres, espace votre réponse, et vous envoyez le tout au 63-22 pour la Belgique ou au 64-900 pour la France. Si vous voulez jouer avec nous et repartir peut-être avec votre Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost, évidemment, avant la sortie. Hein, sinon, c'est pas drôle. Et vous avez promis à gagner la console. Et je vous rappelle qu'on a la console d'ailleurs, hein, contrairement à d'autres radios qui font semblant de vous montrer des boîtes vides et vous les envoyer dans 6 ans. Si ça. Il y a des gens qui font ça, c'est honteux. Oui. Oh. Alors du coup, on vous les offre et on les a. Vous pouvez voir la photo d'ailleurs sur le Facebook dès maintenant si vous voulez. Il y a d'ailleurs l'énoncé aussi de la colle. Vous pouvez aller voir facebook.com/MIKL officiel. Venez, ajoutez-nous si c'est pas encore fait et puis venez répondre à la colle et puis la voir en l'occurrence. Hein. Je tombe sans me faire mal et ça fait pas de bruit non plus. Qui suis-je ? Ruben, on te récupère plusieurs fois tout au long de l'émission et on donne la réponse à 1h30. D'accord ? Ok, pas de problème. Très bien, voilà, reste avec nous Ruben. Ouais. Et on est aussi au cœur d'une heure sans pub, ça c'est la bonne nouvelle. Il y aura du son, on vous en a parlé. On aura le chéri, je peux te faire cocu également. Laura, tu connais le chéri, je peux te faire cocu ? Oui, je connais. Ouais. Ah, nous allons avoir une nouvelle édition ce soir. J'espère du lourd. Ah bah écoute, j'espère aussi, on verra comment ça va se passer, mais on jouera tout à l'heure. Il y a également les 7 DJ également à vous offrir, donc les DJ Control Instinct. Je vais vous mettre la photo aussi de la boîte, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, hein, pour ceux qui veulent jouer, n'hésitez pas. Et un message, bonjour, je m'appelle Ali, je voudrais avoir un message de bienvenue car je vous écoute depuis 2 semaines. Bah déjà, soit le bienvenu, ouais. Ali, j'imagine que c'est un garçon. Espèce d'enculé. Voilà, soit le bienvenu, Ali. Il y a Carlo également qui dit passagedulésir.fr avec la voix de mère de Toff, ça me fait toujours bien rire. Il y a Soutien Anthony qui dit aussi oui, le remix de tout à l'heure de Britney Spears. Echo également, tu peux nous balancer Antidote de la Swedish House Mafia, s'il te plaît, Mika. Ah oui, il faut que je note, je vais essayer de le passer avant la fin d'émission. Et Washington qui dit figure-toi que l'excuse d'hier que je t'ai dit a marché aujourd'hui. Attends, c'était laquelle encore, ah oui, que j'étais chez un ami et que je n'avais aucun moyen de revenir. Alors ça c'est improbable, Washington. Bravo. Faut que je l'essaye celle-là. Ah ouais, parce qu'on parlait des excuses bidons pour pas aller en cours ou pour pas aller au travail hier dans l'émission entre 20h et minuit. Et Marion M qui dit alerte à la bombe, garde Lille, pas pu aller en cours, donc j'ai bossé en pharma, ma patronne voulait pas. Je te raconte pas l'ambiance. Et puis Mathias qui dit perso, moi l'école ça m'a saoulé aujourd'hui. Mais bon, on se détend avec vous. Et ben soyez les bienvenus. Merci à vous d'être là tous les soirs. Et puis déjà en top 8 à 23h11. Ouais. Merci beaucoup. C'est beau. Ah ben c'est beau, bravo. Vous étiez, quand je savais que vous étiez bon. Est-ce que t'es sur internet Laura toi en ce moment ou pas? Non. Pas de Facebook, pas de Twitter, que sur téléphone. Enfin j'ai Facebook mais j'ai pas internet. D'accord, ok. Bon bah t'as Facebook, t'as déjà fait un like sur la page j'espère. La page de l'émission. Oui. Ah très bien, parce que j'ai failli balancer un coup de pelle, mais du coup j'ai mis dans la gueule de Toff. Tu as de la chance Laura. Bon alors, puisqu'on est au cœur d'une heure sans pub et puisqu'on va se mettre le Selena Gomez dans quelques instants que tu as demandé. De quoi allons-nous parler maintenant avec toi, donc de ton mec que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas quoi il ressemble. Rassure-moi, tu lui as déjà parlé. Une fois. Ah, c'est fou, ça. En deux ans. C'est déjà pas mal, mais qu'une seule fois, ça fait quand même très léger, hein. Mais vous sortez pas vraiment ensemble. Bah non, pas. Je pense pas, mais pas réellement. Est-ce que tu l'as déjà trompé? Bah non. Quoi? Tu l'as trompé? T'as envoyé un message à quelqu'un d'autre? Non, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Ah c'est pire encore. Oh là là. Ah, bah, non mais sérieusement, vous sortez pas ensemble, tu l'apprécies, puis point barre. Bah je sais pas en fait comment ça se passe. Moi après en 2 ans j'ai des sentiments, mais après j'ai jamais vu sa photo, je sais pas. Mais comment vous communiquez? Eh bien par pigeon voyageur, donc c'est-à-dire que nous-mêmes nous avons un pigeon, elle de son côté, moi de l'autre, et puis bah on l'envoie et voilà, c'est parti, et il envoie la réponse une fois toutes les semaines à peu près, on a des nouvelles, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Non mais t'es sérieuse? Mais tu l'envoies comment? En morse? Non, c'est le retour au Moyen-Âge. C'est le chevalier qui écrit à sa promise. Ah oui, c'est beau, ce serait beau ça. Il va venir sous son balcon lui chanter la sérénade. Exactement. Non mais attends, mais explique-nous un petit peu là, tu fais comment? En fait, je l'ai rencontré sur internet et il m'a appelé une fois. Ouais. Et déjà, il avait une voix bizarre, on aurait dit une voix un petit peu plus âgée. Ouais. C'est tough. Et Peut-être. Et donc, je sais pas, 3 jours après, j'ai demandé de me rappeler, mais il a jamais voulu me rappeler. Il et on peur. Parlait toujours par message. D'accord, parce que là, vous parlez par message sur Internet. Oui. Improbable. Bon, on en parle dans quelques minutes. T'as son numéro, on peut l'appeler? Ouais, t'as son numéro ou pas, Laura? Oui, je dois l'avoir. Parfait. Oui. Bon, alors je te repasse Sandro, on va quand même essayer de l'appeler pour voir un petit peu le monsieur. Ouais, ça se trouve le mec. Et allô, oui, j'ai 67 ans depuis hier. J'ai 4 enfants, 5 voilà. arrière-petits-enfants. T'imagines. Bon, on en parle dans quelques minutes. Et puis, bah, si ça vous est déjà arrivé justement de sortir avec des gens sur internet. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était pas vraiment le même mec ou la même meuf que sur la photo. Ou en tout cas, qu'il ou elle vous a enfumé. Appelez-nous 01 42 48 5000, les filles. Les garçons aussi, évidemment. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Bon, allez, Laura l'avait demandé, on se le met maintenant. Le son de Selena Gomez sur Fun Radio, au cœur du Nord sans pub. C'est Mickaël No Limite, bienvenue, on est là jusqu'à 2h sur Fun. Au cœur du Nord sans pub, Selena Gomez sur Fun. 23h, 2h. Mickaël No Limite sur Fun Radio. En direct sur Fun, 23h18. Et toujours, la Xbox One a gagné avec le jeu Call of Duty Ghost. Je rappelle qu'il y a évidemment la colle, il faut répondre à la colle. Alors je répète la colle donc de Ruben. Où est-ce qu'elle est, celle-là? Je ne sais plus, je l'ai perdue. Ah oui, je tombe sans me faire mal et sans faire de bruit. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique. Si vous voulez jouer, n'hésitez pas, on donnera la réponse avant minuit 30. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il les tire au sort, c'est gagné. Et si vous voulez voir la Xbox, car nous l'avons dans le studio, on a fait la photo la semaine dernière, vous allez la voir sur le Facebook de l'émission, répondre et lire également l'énoncé, hein, la colle. Vous allez sur le Facebook, rejoignez-nous, facebook.com/M-I-K-L officiel. Venez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus parmi les 234 000 personnes qui sont dessus également depuis presque 2 mois et demi. Voilà, ça fait 2 mois et demi qu'on est là en direct avec vous. Donc merci beaucoup en tout cas d'être tous les soirs nombreux. Et puis sur le Twitter également, ajoutez-moi, hein, vous tapez hashtag, mettez le @mikael_officiel_, c'est la barre en bas là, le tiret en bas. Donc vous tapez Mikael officiel pour m'ajouter sur le Twitter. Et si vous m'ajoutez, eh bien je vous ajouterai également. C'est très voilà. Bien alors. Merci Mikael. Oui, je vous ajouterai également sans problème. Il y a Lucas qui dit un message de bienvenue pour tout le collège Henri Becquerel. Ce serait énorme de la part de Lucas. Je vous kiffe tous. Bah merci Lucas. Attends, on va t'envoyer un petit tiens pour tout le. Ah bah pour tout le bahut. Allez vous faire foutre. Voilà, on embrasse tout le bahut, il n'y a aucun problème. Mathias qui dit, vous saviez quand j'ai vu l'équipe de Mickaël, ils sont trop beaux et marrants. Oh, merci Mathias. C'est vrai que moi-même parfois je me vois dans un miroir et je bande. Ça m'arrive. Pourquoi parfois pas. Je me dis waouh, quel beau mec quand même. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, si j'étais une fille, ouais, je me dirais waouh. Ouais. Mais ça nous est tous arrivé tu un jour de non. Se regarder dans la glace ici. Pas toi. Et se dire, je suis mignonne aujourd'hui. Ouais, mais pas toi. Non, bah non, toi. Voilà. Mais c'est facile, là on tape, il est parti, je sais pas s'il est parti ou chiotte, j'en sais rien, mais il est pas là. Donc, non, content, c'est possible. Il y a Didier également qui a envoyé son message sur le Twitter. Oui, bourre-moi le disque dur, l'amour virtuel, Clarès qui est tombée amoureuse par internet, c'est quand même bizarre. Bah oui, c'est vrai. Bah ça dépend, après, tu peux tomber amoureuse ou amoureuse sur internet quand t'as limite une vraie vie, tu vois, tu sais, où vous échangez des photos, vous voyez, il y a des vidéos, vous pouvez faire du Skype. Pourquoi pas? Mais là, ils se sont jamais vus, c'est improbable, Laura. Oui, c'est vrai. C'est improbable. Mais d'ailleurs, pour le numéro, je ne sais pas si c'est toujours parce qu'il m'a dit qu'il changeait de téléphone. Ah, il change de téléphone et quand il change de téléphone, il change de numéro. Oui. Très bien. On t'entend mal. Tu peux te mettre dans un endroit où tu as un peu plus de réseau, s'il te plaît, Laura? Voilà, parfait. Il y a aussi Varidi qui dit, non, c'est quoi? C'est Vardy qui dit, je suis sûr que c'est un mec bizarre, faut qu'elle arrête. Attends, on va voir. Et Let's Be Freaks, il dit, arrêtez de frapper mon tof d'amour. Oh. Mais oui, t'inquiète pas, va, il est dur. Il y a Echo qui dit, quelle salope, elle l'a trompé alors qu'elle l'a jamais vu, c'est énorme. Et Julien qui dit, moi, j'ai les 3/4 de ma classe qui vous écoutaient. Ah, ça, c'est gentil, ça, c'est Julien. Gentil. Est-ce que c'est grâce à toi ou ils écoutaient comme ça? Ou est-ce que c'est toi qui leur as pris la tête en disant, bah écoutez, il y a enfin une bonne émission le soir sur Fun Radio, blablabla, blablabla, voilà. Donc, est-ce qu'ils écoutaient l'émission de merde et qu'ils sont enfin rendus compte qu'il y avait quelque chose de mieux ou pas? Voilà, dis-nous si c'est grâce à toi ou s'ils l'ont découvert tout seul ou alors s'ils écoutaient déjà Fun avant, tu vois, à ce moment-là, il n'y a pas de malaise. Il y a Clara aussi qui dit, je t'écoute depuis pas mal de temps, j'ai fait un compte exprès pour réagir à ton émission. Oh, merci, c'est Clara. C'est choupinou. On t'aime. C'est choupinou, bisous. Merci beaucoup. Et Clara encore qui est tombée amoureuse en un dialogue, c'est quand même bizarre. Oui, j'avoue, effectivement. Bon, attends, Laura, avant qu'on appelle le mec, on va également prendre Julien avec nous là de Nantes. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir Julien, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt bien. Est-ce que t'es sur le Facebook et le Twitter de l'émission, toi? Ouais. T'es sûr? Deux? Ouais. C'est quoi le Twitter? Bah j'ai que Facebook en fait. Ah, quel menteur! Je te dis les deux, tu me dis oui. Ah bah excuse-moi. Lance-flamme dans la gueule. Jetez-le en l'air, catapulte. Vas-y, poule. C'est tout ce que tu mérites. Eh, hey, attends. Ah bon. Voilà. Attends, eh, Julien. Oui. Ta gueule, connard. Voilà. C'est tout ce que t'as mérité, Julien. D'accord. Bon. D'accord. Sinon, tu nous appelais pour réagir à Laura. Est-ce que t'es déjà sorti avec un mec ou une meuf, je ne sais pas, virtuellement? Bah, en fait, là, je suis avec quelqu'un et on se parle juste sur Facebook. Ah, pourquoi pas? C'est pas drôle, Polo. Oui. Mais non, j'arrive pas à concevoir la chose. Mais parce que ça permet de rêver, ça fait rêver. Alors oui, effectivement, c'est vrai, elle a raison. Quand tu écris toutes les meufs là, toutes les malheureuses qui écrivent à toc, c'est mieux de le faire sur Facebook, comme ça fait rêver. Mais oui. Non mais c'est vrai. Mais c'est vrai, en vrai, il fait pas rêver. Bah clairement pas. Vous parlez des bouffons avec qui communiquent? Oui. Ah d'accord. Voilà. Enfin, on dit non, les malheureuses. Non, parce qu'elles se font avoir, tu vois, les pauvres, elles y peuvent rien, elles peuvent pas savoir. Mais voilà, donc ça effectivement, c'est mieux quand ça reste dans par internet quoi, tu vois, quand ça reste virtuel. Combien on est déçus quand elles. Ouh là là. Ouh là là, mais attention, il y en a tellement. Je comprends mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Toff? Ah ben d'accord. Ah, d'accord. C'est ça, ouais. Non mais il a raison, il a. Ouais, Non, il est parti, je sais pas s'il est parti au chiottes. Est-ce qu'il a peut-être mal? Il a peut-être une gastro. Je sais pas, mais des chiottes, il peut entendre. Oui, allez, bah, pousse, Toff. Vas-y, pousse. Il pousse un peu plus fort. Joshua qui dit, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Je t'ai déjà demandé, mais rien. Oui, mais je peux pas admettre à tout le monde non plus, évidemment. Hein. Attends, t'en voulais un? Bah voilà. Allez vous faire foutre. Eh ben voilà, ah, va te faire foutre, Joshua. Et, ou Joshua, je ne sais pas comment on dit, c'est pas grave. Bon, bref. Bon, pour revenir à Julien. Donc toi, tu, pendant combien de temps ça a duré cette discussion avec cette meuf sur Internet? Bah là, je suis toujours avec elle pendant un mois, enfin là ça fait déjà un mois et demi que je suis avec elle. Ça fait un mois et demi que t'es avec elle et, ouais. Et bah il s'est rien passé du coup, vous vous êtes jamais vu? Bah ouais, on s'est jamais vu en fait. D'accord, ok. Bon bah écoute, pourquoi pas, ça se passe bien, c'est cool. Bah ouais, on rigole bien, on se parle, après bah... C'est mieux, hein, parce que déjà que vous vous voyez pas, si en plus vous vous parlez pas, vous êtes quand même bien dans la merde. Hein. Mais non, ah ouais. Mais je voulais dire qu'on s'envoie quelques photos, mais on ne l'ai jamais vu en vrai, et en fait. Et sur Skype, donc, vous... J'ai pas Skype. Ah, t'as pas Skype, c'est con, parce que pour le coup, c'est quand même bien, moi tu peux voir. Bah oui. Ouais, mais elle m'envoie quelques photos, mais on sait, je me pose plein de questions si c'est vraiment elle ou pas. T'as pas envie de lui faire des bisous? Ah oui, mais ça oui. Après, il y a le risque. Hein. C'est vrai que sur Internet, s'il n'y a pas Skype, ou en tout cas FaceTime, ou enfin bref, un truc de visio. Bah les photos, ouais. On sait jamais si c'est la vraie personne, tu vois, c'est ça qui t'en... Bah ouais, attends, bah oui, mais c'est le problème de tout le monde. Laura, elle c'est pire, hein, elle l'a jamais vue, tu vois, comme ça au moins c'est tranquille. Mais je sais que j'habite à Marseille, mais lui il habite à Lille. Ah bah oui, bah en plus c'est bien parce que vous avez pas du tout fait le grand écart. Non. Moi j'aurais pris, un mec plutôt d'Oslo. Ouais, voilà. C'est vrai. Et moi, à ta place, j'aurais déménagé vers Faro en Algarve, au Portugal. Comme ça, tu vois, l'écart est quand même bien violent, tu vois. Ou Tokyo. Oui, bah c'est avec bien le aussi. Décalage. Ah ouais, c'est bien aussi. Non mais Marseille-Lille, Laura, depuis 2 ans, il n'y a pas un moment où tu te dis, tiens, je perds mon temps? Un petit peu, si des fois je me pose la question. Parce que t'as eu une meuf avant ou pas? Un mec avant ou pas? Oui. Ah quand même, donc t'as déjà eu des relations, des vraies relations physiques? Oui, bah oui, quand même. Non mais on sait jamais, c'est pour ça que je pose la question. Attends, il y a aussi Mickaël avec nous d'Orléans là, bonsoir Mickaël. Salut, ça comment va? Comment ça? Ah, l'habitude Mickaël, t'es déjà passé hier toi, non? Oui. Ah, il me semblait bien Mickaël d'Orléans. Bah oui, en plus avec un bon prénom comme celui-là. Ah, je t'en remercie. Ah oui, bah écoute, je t'en prie avec plaisir. Tes parents ont très bon goût. Bon, alors, toi tu voulais réagir à Laura. T'es déjà sorti comme Laura avec une meuf, Mickaël, sans la voir. C'est cet après-midi. Il y a une meuf qui m'a ajouté sur Facebook. Je la connais même pas. Déjà, c'est un miracle. Je la connais même pas et tout. Je dis, pourquoi tu m'as ajouté sur Facebook? Oh, bah, pour faire plus connaissance. Après, je l'ai supprimé. Bah alors, mais pourquoi tu l'as supprimé? T'aurais au moins pu aller au McDo avec elle sur Facebook. Bah oui. Mais je connais même pas. Et alors? Je connais même pas. Bah attends, ça se trouve, tu viens de virer la femme de ta vie. Miss France, je sais pas quoi. Non, Miss Frange. Ah, Miss Frange. Ouais, je sais pas, une Miss France ou Miss Indienne, je sais pas. Miss Chou, la meuf. Enfin, une Miss quoi. Est-ce que ce serait pas Miss Dégueulasse? C'est plutôt, oui, plutôt Miss Dégueulasse. Voilà, c'était plutôt Miss Dégueulasse, à mon avis, qui t'a ajouté. Faut faire attention, parce que c'est surtout les Africains qui prennent de l'argent sur son compte et tout. J'ai déjà regardé un portable. Dis donc, Mickaël, toi, t'es quand même bien parano. Alors, attention, je vais remettre, les choses au clair. Ouais. Il est impossible de prendre de l'argent juste en se connectant sur Facebook. Oui. Même en ayant votre relevé d'identité bancaire, c'est impossible de prendre de l'argent. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner de l'argent. Oui. Voilà. Voilà, donner de l'argent, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, oui, mais non, bah alors c'est n'importe quoi. Tu dis, je les virer de Facebook parce qu'elles vont prendre de l'argent. Bah non, mec. Bah oui. Bah non, s'il est sur Facebook avec toi, à part parler, elle ne peut pas faire grand-chose. Mais oui. D'accord. Sauf si tu lui donnes ton numéro de carte, Visa, voilà, tes codes. J'ai pas carte bleue déjà, je suis Ben voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ? Rien. Ouais. Rien. Eh ben bon, voilà. Bah, voilà. Sinon, si tu veux, bah, je peux prendre le numéro de la fille, là. Ça fait 2 ans qu'elle attend, putain. Ouais, mais Mickaël, Laura, il est un peu gauche, mais il essaie de te draguer, il veut bien ton numéro. Qu'est-ce que je lui dis ? Bah oui. Bah, de toute façon, okay, ouais. De toute façon, ce sera pas le premier qu'elle appelle. Ah oui, non, bah c'est sûr, en même temps, tu le verras pas, hein, c'est clair, hein, Laura. D'ailleurs, Toff a oublié le principal. Mais c'est vrai. C'est vrai. Je manque tout de voir, Laura. Attends, Mickaël. Laura, combien mesures tu Attends, Mickaël ? Laura, combien mesures tu Ah, c'est un beau prénom, hein ? Qu'est-ce qui est bruyant ? Qu'est-ce qu'il est bruyant ? Combien pèses-tu ? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? 95 kg. Et la taille des pantalons que tu as achetés ? 38. Vous êtes un imbécile ? Non. Vous êtes un imbécile ? Voilà, c'était pour Toff. Hein. Vous êtes un imbécile ? Évidemment. Bon, Mickaël ! Oui ? Bon, qu'est-ce que tu voulais dire à crier comme ça, là, comme un dingue ? Bah, j'ai pas eu mon message de bienvenue. C'est pas vrai, ça m'étonne pas, tiens. Attends, mais j'en ai un parfait taillé pour toi. Mickaël ? Ouais, ferme ta gueule, tu m'entends ou pas? je préfère l'autre. Attends, j'en ai un autre là, Eh, Mickaël! Vas-y, connard! Voilà! Non, j'en ai un autre! Ah, attends, j'en ai un autre! Vous savez, t'as un numéro masqué pour te démasquer? Ah, oui, c'est vrai, mais celui-là il me fait pas rire ce soir! Oh, en revanche, pitoyable mais pas digne du coup. Bon, bah, Mickaël, on va te mettre au standard et puis on va filer ton numéro à Laura. Elle fera ce qu'elle veut avec après, d'accord ? D'accord, ok. Salut Mika, à bientôt. Hein. Salut. Ciao à toi. Et puis, Julien, merci à toi d'être passé également. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Ok. Est-ce que vous donnez des packs Kevin Fun ? Non, parce que tu remarqueras que ce n'est pas la même émission. Mais on peut te filer un pack Fun si tu veux, ça oui. Bah, pas de fun. Eh ben voilà, très bien. Ben on va te filer Sandro au standard, elle va prendre tes coordonnées, t'envoyer ça rapidos. Ok. Salut à toi Julien, à bientôt. Salut. Ciao. Laura, reste avec nous. Il y a Francis et Sandy qui voulaient réagir dans quelques minutes. Et puis la bonne nouvelle également, c'est que nous allons faire des appels avec Toff. Ah. Appel donc, puisque hier, comme nous avons reçu Oksana, une actrice de films porno, et vous remarquerez que nous ne sommes pas des gros porcs comme sur certaines d'autres radios. Hein. On l'a pas mis Oksana, la pauvre, dessapée comme un morceau de viande. On s'est marré avec elle. Elle a frappé Toff. Donc ouais, ça c'est quand même souffert, plutôt bien. J'ai des bleus, je tiens à le signaler. Mais oui, une petite fessée, enfin plusieurs même. Et donc j'ai trouvé une meuf qui a trouvé aussi la méthode pour ne plus devoir faire le ménage à la maison. Donc ça c'est quand même plutôt bien, grâce à la fessée. Et puis là je sens que j'intéresse tous ceux évidemment qui en ont marre de faire le ménage chez eux. Eh bien c'est super simple, vous faites venir des soumis à la maison. La meuf fait venir des mecs chez elle pendant que son mari évidemment n'est pas là. Et elle réalise leur fantasme SM en les fouettant et en les obligeant à faire le ménage. Sympa non ? Ça c'est bon ça. Moi j'aime bien l'idée. Alors je propose que t'appelles pour proposer tes services de dominateur, Toff. Mais bien sûr. Voilà, est-ce qu'on a le nom d'une société pour appeler Domination à domicile. Domination. Putain, c'est la même voix off que. Qui est horrible, hein. Oui, c'est toujours la même. Plaisir du désir. Non, c'est quoi ? Non, c'est Passage du désir. Ah oui, très bien. Ouais. .fr. J'avais oublié, effectivement. Bon, Laura, reste avec nous. Oui. Et puis les autres, si vous avez des numéros de téléphone à proposer de gens encore debout à cette heure-ci pour que Toff puisse appeler, n'hésitez pas, vous proposez, vous balancez tout ça sur son mail toph@funradio.fr. De préférence des gens un peu nerveux aussi, hein. C'est pas la peine de nous donner le numéro de votre grand-mère qui est toute gentille, la qui, tu vois. Donc voilà, des gens debout qui sont de boutards pour qu'on puisse les appeler jusqu'à 2h du mat. Au cœur d'une heure sans pub, toujours sur Fun Radio, on va revenir dans quelques minutes avec Ruben pour la colle. Et je rappelle qu'il y a toujours la Xbox One avec le jeu Call of Duty Ghost à gagner. Il faut répondre à la colle de Ruben. Je tombe sans me faire mal, ni de bruit. Qui suis-je? Vous envoyez vos réponses par SMS. Vous envoyez M-I-K-L au 64-900. M-I-K-L la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et bien sûr, sur le Facebook de l'émission, tapez M-I-K-L officiel. C'est Basto qu'on écoute maintenant. Dance with me sur Fun. Why don't you dance me? Basto sur Fun Radio, Dance with me. Basto qui sera bien entendu au Starfloor le 23 novembre avec plein d'autres, hein, notamment Créouella qui seront là-bas. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Oui, je suis bien d'accord. Très très très très bonne nouvelle. Je serai au bord de la scène. C'est, pour les regarder. Bah, j'imagine. Voilà, Créouella qui sera là et puis bah toutes les autres. Hein. Vous pouvez aussi tous les autres artistes. Vous pouvez aller, vous renseigner aussi sur funradio.fr et bien entendu sur le Facebook du Starfloor pour aller voir. Hein, vous tapez Starfloor sur Facebook et on se donnera tous rendez-vous le 23 novembre. Et puis pour ceux qui pourront pas écouter, rassurez-vous, ce sera diffusé live and direct sur Fun Radio comme chaque année. Il y a Florian qui dit Fun Radio, restez comme vous êtes, je suis mort de rire tous les soirs. Et bah ça tombe bien Florian, merci d'avoir envoyé le message. Il y a également Chanice qui dit l'équipe est toujours au top. Merci Chanice et gros bisous à toi. Et Clara qui dit marre de faire le ménage, appeler des mecs en les fouettant. Bah oui, et c'est tellement vrai, c'est tellement normal, oui. C'est tellement logique. Bon, avant de récupérer Emma, Sandy, Jean-Michel, Francis et Laura qui sort avec un mec depuis 2 ans qu'elle n'a jamais vu sur internet, nous allons faire quelques petits appels maintenant. Ah. Avec, bah oui, avec Toff, donc puisqu'on est tombé, c'est une auditrice qui nous a balancé l'info. Apparemment, il y aurait des trucs plutôt sympathiques à base de fessées. Donc si vous en avez marre de faire le ménage, eh bien, pouvez demander à quelqu'un de venir vous fouetter si jamais vous en avez marre, vous dites. Oh, je fais une petite pause, je vais dans le canapé. Ben hop, quelqu'un peut arriver. Voilà, quelqu'un peut arriver directement avec un petit coup de fouet. Voilà, et si vraiment vous êtes celui-là. Ah ouais, celui-là. Ah ouais, là tu cours faire la vaisselle direct. Ah exactement. Et si comme Sandro vous êtes en train de courir, ça peut être beaucoup plus violent. Le stress. Voilà. Je chauffe là. C'est bon, je suis en train de mettre le linge dans la machine, ça va. Ah, cette grosse fesse qui tremble là. Tu m'as ouvert un peu là, il y a du sang. Oui, bah écoute, c'est normal. Bon, on appelle maintenant donc pour vérifier ça. Allons-y. T'as le temps, Laura, t'as bien 5 minutes. Ah oui, j'ai toute la nuit. Tant mieux. Bon, on fait un appel alors, c'est parti. Et je rappelle, si vous avez des numéros de téléphone à nous donner de gens encore debout à cette heure-ci, n'oubliez pas qu'il y a le mail de Toff, toph@funradio.fr. Des gens debout relativement tard, puisqu'on a besoin de les appeler entre 23h et 2h du mat ce soir. Bon, on y va, c'est parti. Merci à la personne qui nous a envoyé celui-là. Je ne sais pas du tout chez qui on va, ni même dans quelle ville, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on va chez toi, Laura, à Marseille. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir comment vous faisiez le ménage chez vous. Ben, je le fais moi-même. Ah, ben parce qu'en fait, voilà, je me présente, domination à domicile, et donc je pourrais venir vous aider à vous motiver pour faire le ménage. C'est quoi, pardon ? C'est domination à domicile, monsieur. Domination à domicile, oui, c'est quoi ? Eh ben, en fait, je viens avec mon fouet et ma cravache, et je vous aide à faire le ménage. Ok. Voilà, à coup de fouet et de cravache. Hein, si vous D'accord. êtes un peu lent, si je sens un petit coup de mou, hop, un petit coup de cravache sur les fesses et vous reprenez du okay, poil de la bête. Ça marche. C'est vrai ? Bah écoutez, alors quand est-ce qu'on prend rendez-vous ? Mais vous êtes sérieux là ? Oui monsieur, je suis sérieux. D'accord, ok. Ça m'intéresse pas. Bah vous venez de me dire que ça vous intéressait monsieur. Ok. Ok, ok, on okay. va le rappeler. On va le rappeler parce que lui, il n'a pas très bien compris le concept. Hein. Nonchalant. Oui, non. On rappelle, c'est on rappelle. C'est pas ce qu'il veut. On rappelle. Oui, bonsoir, monsieur. Allô ? Oui, excusez-moi, vous avez coupé un peu vite, monsieur. Vous me dites que vous êtes intéressé et puis vous ne l'êtes plus. Ben non, ouais, je suis plus intéressé, ouais. Bah pourquoi, monsieur ? Mais foutez de ma gueule ou quoi ? Mais pas du tout. Moi, je pensais qu'un petit coup de fouet ou un petit coup de cravache sur les fesses, ça vous revigorerait, ça vous donnerait l'envie de faire le ménage plus vite chez vous. Ouais, ok. Bah voilà. Bah vous êtes planté alors. Bah pourquoi je me suis planté, monsieur ? Bah vous êtes planté. Bah non, vous m'avez dit que vous étiez intéressé. Oh putain, ta gueule. Bon, on le rappelle encore un coup. Hein, Laura ? Une petite dernière là. Il m'avait l'air juste à point. Laura ? Oui. On le rappelle encore un petit coup ? Oui. Allez, on rappelle encore un petit coup, il était à point là. C'est parti. Et on reparle avec Laura juste après. Oui. Oui, excusez-moi monsieur, mais c'est pas la peine d'être vulgaire. Non, c'est pas la peine d'être vulgaire, mais vous êtes pas obligé de me faire chier au téléphone là. C'est quoi votre problème là ? Bah, j'ai pas de problème, monsieur. Moi, c'est juste que vous m'avez dit que vous étiez intéressé, donc je voulais qu'on prenne rendez-vous pour que je vienne vous mettre une petite fessée. D'accord, ok, super. Bah voilà. Vous êtes complètement con ou bien ? Mais pas du tout, monsieur. Si, j'ai l'impression que vous êtes un peu con quand même. Bah, pas du tout, moi je vous propose un service pour vous aider à faire le ménage plus vite. Ok, ouais. Voilà. Donc quand est-ce qu'on prend rendez-vous, monsieur ? Bah, on prend pas rendez-vous, hein, mon grand. Qu'est-ce qui vous arrive là ? Bah, vous m'avez dit que vous étiez intéressé, monsieur. Non, je suis pas intéressé. Qu'est-ce que c'est quoi ? Vous êtes un peu demeuré ou c'est quoi ? Vous essayez de faire de la vente forcée ? Qu'est-ce que c'est quoi votre connerie là ? Non, c'est pas de la vente forcée, monsieur. C'est juste un petit coup de fouet par-ci par-là, un petit coup de cravache quand je sens que vous avez un petit coup de mou pour lustrer un truc. Ok. Ça, j'aime beaucoup. Ah, vous voyez, votre femme est intéressée, monsieur. Ouais, c'est clair. Hein, peut-être que ce serait mieux que je prenne rendez-vous avec votre femme. Ouais, peut-être, ouais. Ah, vous voyez ? Bon, passez-moi votre femme, ça ira plus vite. Vous avez des chiens, des animaux ? Parce que nous, on aime les animaux. Hein. Ah, vous aimez les animaux ? Écoutez, je n'ai pas de chien, mais si vous voulez, je peux trouver un berger allemand pour le mordre de temps en temps. Oui, Gunther, de préférence. Gunther, eh bien écoutez, je vais chercher ça. Bon, quand est-ce qu'on prend rendez-vous, alors ? Ça marche, on fait comme ça, hein ? Oui, mais quel jour, alors, monsieur ? On va dire le... Comment dire ? On va dire ce soir. Ouais, en fait, ouais. Eh bien écoutez, j'arrive. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. Eh ben voilà, et premier rendez-vous réussi, alors... donc c'est pas mal. Bon, faut que je trouve un berger allemand maintenant. Oui, là par contre c'est plus compliqué. Il y a l'avenir blouté qui dit aussi bonsoir toute équipe, j'ai raté le début de l'émission, 35 minutes de retard. Eh ben bravo, coup de pelle dans la tronche. Allez, et Bomba Shoot qui dit je peux avoir mon message de bienvenue, je vous suis depuis une semaine, je n'arrive même pas à louper l'émission pour dormir. Super équipe. Bah merci beaucoup, c'est gentil, petit message de bienvenue. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Voilà, et Ophélie également qui dit je viens de vous découvrir, je vous aime, et nous aussi on t'aime, Ophélie. Envoie tes mensurations. Mais oui. Allez, foot. Oui, aussi, oui, Toff. Oui. Oui. Vous êtes un imbécile. Voilà. Bon, retour avec Laura dans quelques minutes. Tu restes avec nous, Laura, et toujours Ruben et sa colle. Ruben. Attends. Allez, refais péter la colle en speed, Ruben. Là, ouais. Alors, je tombe sans me faire mal, ni de bruit. Qui suis-je ? Je tombe sans me faire mal, ni de bruit. Qui suis-je ? Vous avez la bonne réponse. À vous de jouer. On donnera quelques propositions qui viennent d'arriver d'ici quelques minutes. Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique pour repartir avec votre Xbox One. En avant-première, évidemment, vous serez les premiers à la gagner. Enfin non, parce qu'on a déjà eu Chan hier. Ce sera le deuxième. Bah deuxième, ouais. Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et sur le Facebook également, venez nous rejoindre facebook.com/Mickaël officiel. Le son de Britney Spears dans quelques minutes, ce sera Work Bitch sur Fun. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, nos limites. T'as ta foot, tête de mort. Sur Fun Radio. En direct sur Fun dans toute la France. Bienvenue si vous venez d'arriver. Et 01 42 48 5000 pour nous appeler. On va récupérer Laura dans quelques minutes qui sort avec un mec depuis 2 ans qu'il n'a jamais vu. C'est quand même assez improbable. C'est beau, moi j'aime bien cet amour. On aura aussi d'autres appels avec Toff. On aura également le chéri, je peux te faire cocu comme chaque lundi. Ouais, ah, c'est la bonne nouvelle. Ça va être très très bon. Ouais, je confirme. Et puis nous aurons également la Xbox One à vous offrir dans la colle. L'Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost. Si vous voulez plus d'infos, rencard sur le Facebook de l'émission. En tout cas, on tire au sort parmi les bonnes réponses dans 3 quarts d'heure. Voilà, on reviendra avec Ruben aussi pour la colle. Je tombe sans me faire mal ni de bruit. Qui suis-je ? Vous envoyez M-I-K-L par SMS au 64 900. M-I-K-L espace votre réponse au 64 900. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook, facebook.com/Mickaël officiel, de plus en plus nombreux, et merci beaucoup. Et plein de messages aussi qui demandent encore des messages des amis de Toff. Bah d'accord, ok, on fait ça dans quelques minutes. Et Britney Spears qu'on écoute maintenant, c'est la nuit sans pub aussi, hein, jusqu'à l'arrivée de Bruno tout à l'heure à 6h. Il n'y a plus de pub sur Fun Radio. Alors Britney Spears, version remix ou pas, hashtag et Mickaël, vous nous dites, et on fera ça d'ici une minute si jamais vous le voulez. C'est parti. Sale con, connard. Vous êtes un imbécile. Sale con, connard. Vous êtes un imbécile. Sale con, connard. Vous êtes un imbécile. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Oh là là, bravo, là, quel fatigue, oui, quelle fatigue, quelle fatigue, cette gestion en direct. Et oh, c'est vrai, hein, pour le coup, chaque fois c'est une version différente. Hein. Vous pouvez pas dire l'inverse, hein. Vous pouvez pas dire ouais mais c'est la même qu'hier et tout. Non, il y a parfois les mêmes sons mais ils sont pas mis aux mêmes places, etc. C'est du live. Parfois je rate, ça arrive aussi. C'est du live. Bah oui, évidemment, il y a Colline qui dit décidément la reprise est difficile, je m'endors, je mérite un coup de pelle pour ne pas écouter. Ah oui, je te le confirme Colline. Mais une claque à Polo de ma part, s'il te plaît, il vient de dire que les filles qui parlaient à Toff étaient des bouffonnes. Oui, alors je m'en mets une aussi. Hein. Voilà. Il n'y a pas de nom. Ah oui, il n'y a pas de nom. Il y a Fabienne qui dit le remix de DJ Mimi en direct live, rien que pour nous. On t'aime. Mais moi aussi, je vous aime, Fabienne et tous les autres. Il y a Gabriel également, Rock Bitch Motherfucker, by DJ Mimi. Je la kiffe, je la veux en sonnerie, elle est mieux que la vraie. Merci Gabriel. Bah, d'ailleurs, il y a Britney, elle a appelé, elle en veut pour elle aussi. Hein. Bah ouais, mais pas de problème. Laurine qui dit j'adore la version War Beach remixée par notre dieu Mika. Oh bah ne vous emballez pas. Bon, vous avez raison, mais ne vous emballez pas. Julien qui dit c'est bon ça, la Work Beach remixée. Est-ce que tu m'autorises à regarder Mentaliste, s'il te plaît? Je reviens après. Mais dis donc, Mathias, tu t'es foutu de notre gueule ou quoi? Dis donc. Bah non, tu vas pas aller regarder Mentaliste et tu vas rester avec nous. Non, mais attends. Est-ce que c'est mais comme moi si je disais les mecs, bah, je vais regarder Under the Dome, je reviens. Hein. Bah oui, il est dingue. Et je me casse. Voilà. Ouais. Ah bah vous êtes bien, on est bien avancé après. C'est un manque de respect total. Exactement. Ouais. Attention, c'est très mal. Donc non, tu ne dois pas partir. Bon, et ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit on t'entend plus sur certaines villes. Oui, j'ai pas poussé sur mon bouton. J'ai poussé dessus mais il s'est déclipsé. C'est bon d'accord. Le saligo. Ah ouais, stagiaire. Je mérite. Oui, c'est oui, cette gueule horrible. C'est le stagiaire. Regardez ce sourire narquois. C'est Dexter qui a pas poussé sur le bon morceau. Ouais. Salopard va. Il va mal finir. Je vais les zigouiller, comme le vrai. Bon, il y a Abel qui dit « Ma sœur veut se marier avec toi, Mickaël. À chaque fois qu'elle entend ta voix, on dirait qu'elle va s'évanouir. » Oui, c'est vrai. Moi-même, parfois, quand je tombe sur mon répondeur, tu sais que ça m'arrive rarement. Si vous voulez vomir. Je me dis « Waouh ». Ouais. « Waouh ». Moi, j'appelle exprès. Je t'appelle exprès des fois pour oui, ça. Oui, et comme ça, tu tombes sur le « 06 ». Il n'y a pas de répondeur évidemment donc forcément. Bon, donc du coup Dexter que vous pouvez voir sur le Facebook, c'est le stagiaire. Il y a bah merci en tout cas Amel, et tu remercies ta sœur et tu embrasses ta sœur Amel. Cool. Daniel, oui complètement. Daniel qui dit aussi salut à tous, vous nous faites bien rigoler, bah c'est le but Daniel, merci en tout cas. Valentin, c'est quoi le numéro pour répondre à la colle? Alors c'est facile, alors bah tu sais quoi ce qu'on va faire? C'est Valentin qui pose la question, il doit tout savoir. Pas du tout, pas du tout. Attends, il y a Ruben d'abord. Ruben Il parle, ouais. Hein? Ah, bah oui, bah je l'entends pas. Ruben t'es là? Oui, je suis là. Ah, bah parfait. Bon, Ruben, qui nous avait appelé pour la colle, eh bah profites-en pour la replacer la colle. Alors, c'est parti. Alors, je tourne sans me faire mal ni de bruit. Je tourne sans me faire mal je ni tombe, de bruit. Je tombe. Ah, je tombe sans me faire mal ni de bruit. Qui suis-je? Je rappelle que dans 30 minutes, un peu plus de 30 minutes, on donnera la réponse et donc on sélectionnera le gagnant ou la gagnante de la Xbox One qu'on vous offre donc avant les autres, comme d'habitude. Et en plus de ça, on a la photo de la Xbox One. Elle est dans le studio. Vous pouvez la voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Sandra qui dit la colle, c'est le chat. Ah non. Non, il y a Robin qui proposait une mouche ou un insecte. Ah non, pas du tout. Il y a Mathieu qui proposait une fourmi. Non plus. On proposait des paupières également. Non. Le petit bonhomme en mousse. Non. La neige. Non plus. L'amour. Non. Le sommeil ou une ombre. Alors non. Non, il y a Alison qui proposait une goutte d'eau. Non plus. Une bulle. Non. Il y a Jack qui dit une plume. Super votre émission. Merci Jack. Non plus. Non plus. Bon bah tant pis. Bon, bah, attends, si vous... dis-moi, une goutte d'eau, ça fait du bruit. Oui, pas faux. Ouais. Pas faux, effectivement. Donc, je tombe sans me faire mal ni de bruit. Qui suis-je? Vous avez la bonne réponse. Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous rencarder sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. Il y a la photo de cette magnifique Xbox que nous avons avant tout le monde. Et contrairement aux autres, vous remarquerez que nous n'avons pas une boîte vide. Nous avons la vraie machine. Et vous pouvez. Vous pouvez donc aller voir ça sur... Oh, elle est tellement belle. Ouais. Ah oui, elle est magnifique. MIKL officiel avec le jeu Call of Duty Ghost qui sera peut-être pour toi, Ruben. Hein. Je rappelle que si vous avez... Ouais, si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh ben Ruben perd et vous gagnez. Si personne ne trouve, eh ben c'est Ruben qui gagne. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, Ruben. Merci beaucoup. Je t'en prie. On espère. Bon, ben ouais, moi aussi, je croise les doigts pour toi, Ruben. Reste avec nous. Récupération de Laura maintenant. Allô, Laura. Oui. Bon, très bien. Alors, Laura qui sort avec un mec depuis 2 ans qu'elle n'a jamais vu. Et ça, c'est bon. Oui. Et donc, bah, du coup, forcément, tu veux savoir si c'est normal. Bah un peu oui. Bon bah je te confirme ça ne l'est pas. En fait elle c'est parce qu'elle voulait elle voulait rompre avec le loin des yeux loin du cœur. Elle s'est dit si je l'ai jamais vu il peut pas être loin de mes yeux. Oui, oui exactement oui. C'est une idée. Bon avant de l'appeler parce qu'on a son numéro il s'appelle comment? Michael. Ah, je sais pas. Il s'appelle Mickey? Oui non Michael. Ah Michael. J'ai cru que c'était la souris. La souris c'est énorme. Je pensais qu'il s'appelait Mickey. Il s'appelle Mickey. Bon bah y a Emma avec nous également de Mont-de-Marsan. Salut Emma. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bon écoute tranquille Emma là. Pépère hein, t'as repris les cours aujourd'hui? Bah non j'ai arrêté les cours moi. Ah bon tu fais quoi? Bah rien je suis en foyer. Je d'accord ok bah pourquoi pas c'est un bon passe-temps également hein, Emma. Bon tu voulais réagir à Laura toi? Ouais je trouve ça bizarre que la meuf elle réagisse pas, qu'elle sorte 2 ans avec un mec elle ne le connaît même pas. Ouais, ça me paraît effectivement ouais. Sale con. Non bah t'énerve pas. Comment on peut tenir 2 ans sans baiser avec le mec? Enfin, avec celui-là ou un autre. Non mais déjà sans voir sa gueule. Oui en plus oui. Parce qu'elle l'a jamais vu même en photo. Ouais parce que ça se trouve le mec c'est le mec le plus moche du monde ou au contraire c'est le beau mec beau gosse tu vois. C'est ouais mais regarde dans mon cas c'est mieux qu'elle me voit pas. Ah bah oui. Oui ah bah oui ah, c'est oui. Oui non c'est ça vrai. Ça veut pas dire que j'ai pas baisé avec lui que j'ai pas baisé avec d'autres après. Non mais d'accord non mais on a pas dit que t'étais vierge. On a dit qu'avec ce mec-là t'avais jamais forniqué. Quel beau ah mot. Oui. Quand tu sors avec un mec il y a de la baisse automatiquement. Mais non mais après 2 ans. Emma, je t'adore. Ouais, mais après 2 ans quand même. Il y a pas forcément de la baise. Hein. Non, mais bon, c'est pas la meuf, elle a jamais vu le mec. Je sais pas, c'est bizarre. Non, mais il y a un moment, t'as envie, mais c'est normal. Attends, on va prendre l'avis également de Jean-Mi qui est avec nous là. Salut Jean-Michel de Marseille. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va. Ah bah, comme Laura de Marseille également. Alors Jean-Michel, exactement, tu voulais donner... c'est pour ça que j'appelle. Ah, s'il avait pas appelé de Marseille. Oh, s'il avait appelé de Paris, je l'aurais enculé, c'est ça? Ah non. Ah bon, ça va alors. Voilà, il est pas comme ça. Non, j'ai rien contre les Parisiens, parce que j'ai des amis là-haut. Très bien. Bon, alors tu sais, c'est comme les mecs qui disent ouais, les PD c'est de la merde. Mais j'ai rien contre les PD, hein. Moi-même j'ai un ami gay, pas de problème. Tu vois, c'est pareil. Non, moi j'ai rien contre les Parisiens, j'ai des amis là-haut. Donc. Non. Bon, allez, vas-y, Jean-Michel, t'avais quoi comme avis à donner à Laura? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de sortir avec une meuf comme ça que t'as jamais vue? Sortir, non, mais m'amuser à le faire, oui. Alors, c'est-à-dire, voilà. Je comprends pas, t'amuser à le faire. Ben, de brancher sur Internet, garder des conversations par Internet et tout ça, mais de jamais voir les personnes. Ouais. Et voilà quoi, c'est donner des espoirs mais pour rien. Mais ça sert à quoi? Mais pourquoi faire? Ouais. Voilà, c'était juste pour m'amuser et tout. Parce mais que tu vois, voilà, si tu baisses pas la meuf à la fin. Non, mais à côté, moi j'avais de quoi. T'avais de quoi quoi? Bon, à côté, j'avais des copines. Ouais. Voilà, c'est juste que par internet, quand tu donnes distance comme ça, il faut s'attendre à rien du tout quoi. Il y aura jamais rien et voilà. Elle ira pas plus loin que de l'internet. Non mais d'accord, mais ce que je comprends pas c'est quel est l'intérêt d'aller draguer une meuf et de lui faire espérer monts et merveilles, hein. Bah toi faudra peut-être nous répondre puisqu'il fait ça tout le temps. Et voilà, moi je les baise à un moment, tu vois. Ouais, arrête, ça reste à voir encore. Hein. Il monte sa gueule à un moment. Oui, bah peut-être, ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il montre sa gueule, c'est vrai. Mais surtout qu'elle a jamais vu sa gueule, ouais, ça crée un peu. Ça peut être un mec de 70 balais avec qui elle parle. Mais ouais, c'est ça le plus improbable. Attends, il y a Sandy aussi avec nous de Nantes là, Sandy. Salut. Ça va bien? Ouais, toi? Bah écoute, tranquille, Sandy. Tiens, les messages sont arrivés. Il y a Doliprane qui dit: je viens de découvrir ton émission, vous me faites délirer, je peux avoir une dédicace de bienvenue. Alors c'est un message de bienvenue avec plaisir. Avec... Attends une seconde. Je vais t'en mettre un petit sympathique. De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Bah voilà, Doliprane, hein, soit le ou la bienvenue, je sais pas si t'es une fille ou pas. Alice qui dit: si elle veut, numéro de Marseille, je suis volontaire, qu'est-ce que vous êtes bon. Et Gwendoline qui dit: sympa le remix, j'aime vous écouter, je vous adore. Merci Gwen. Et puis Bad Gones Anthony qui dit: Mickaël, vous allez venir à Lyon un de ces jours. Oui, bah c'est prévu à Lyon, je sais pas. Enfin, on passera à Lyon un moment ou un autre. Hein. C'est juste que la prochaine fois qu'on va bouger, on avait fait Nancy il y a une semaine. C'était dimanche dernier. Enfin, dimanche, pas hier, avant-hier, la semaine d'avant. Et donc, du coup, bah, prochaine étape, je sais pas encore où on va aller. Donc, si vous avez des idées, qu'est-ce que. Alors, à Laura, par exemple, qu'est-ce qu'on viendrait faire à Marseille là? Pourquoi est-ce qu'on devrait venir faire l'émission à Marseille et pas ailleurs, par exemple? Il y a le soleil. Il y a le soleil, effectivement. Mais tu sais qu'il passe parfois ici aussi. Il y a le soleil, l'insécurité, ouais, les ordures. Parfois. Chez nous, il passe souvent. T'as vu, hier soir, ils ont fait une émission spéciale sur Marseille, sur M6. Vous avez entendu l'office de tourisme de Marseille? Ouais. C'est magnifique, ouais. T'as vu l'émission sur M6 ou pas, Jean-Michel, sur Marseille hier? Non. Ah, c'est dommage, t'aurais dû. Bah non, tu l'as pas vu non plus, hein, mais je mais regarderai ça, le. Ça donnait envie d'y aller. Je regarderai le replay. Bon, Sandy, pourquoi on devrait venir à Nantes, par exemple? Bah parce que à Nantes, il y a le lieu unique. Et le lieu unique, c'est un bar. restaurant quoi. Oui, ah, il y a quoi. Un bar restaurant. Sinon il y a le port, l'aéroport qui est pas fini. Et les poubelles, c'est et un ouais. truc horrible. Non mais c'est à Marseille. Bah oui. On parlait de Nantes. On là. Parlait de Nantes là. Là on parlait de Nantes. À Nantes aussi. Bah oui. Bon et éventuellement à Mont-de-Marsan dans les Landes, pardon Emma. Je sais pas ce qu'il y a à Mont-de-Marsan par contre. Bah je sais pas. Il y a le filles comme nous. Il y a quoi? Il y a des belles filles. Ah, il y a des belles filles, elle d'accord. Ah bah écoute, alors ça, non, ça peut nous ça, motiver. Bah, l'autre aussi, il y a des belles filles. Ouais, c'est vrai, mais serait-elle les plus belles meilleures qui sont en Mont-de-Marsan? Bah écoute, je sais pas, mais Emma est en train de faire est en train de faire son cinéma là. Mais... Il y a une joute. Ouais. Alors Mika, moi je pourrais dire que dans ce compte-là, Marseille, on a l'accent, le soleil et les filles. Ah, c'est vrai aussi. Attends, parce qu'il y a Toff qui voulait faire un petit inventaire d'Emma quand même. Hein. Non mais Emma, allez, Emma, combien mesures-tu? Alors attends Emma. Combien mesures-tu Emma? 1m63. Combien pèses-tu? 54. Quel est ton tour de poitrine? Ah ah. Oh, oh. C'est du A, c'est ça? Ouais, c'est A. Non, 90B. Et la taille des pantalons que t'as acheté? 34. Oui, d'accord. Bonne! Et bonne! Et bonne! Bonne! Bonne! Bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Elle est bonne! Ouh, ouh. Connard! Voilà. Bon, par contre, je voulais dire pour Mont-de-Marsan, il faut qu'on se dépêche. Pourquoi? Parce que mercredi, c'est le marché de la brocante, donc faut qu'on y aille. Quoi. Ah oui, c'est vrai que le live, l'émission en direct du marché de la brocante, c'est. Très on sympa. Va essayer de revendre Toff. Ouais, oui, c'est pas sûr encore. Hein, mais bon, c'est pas une brocante qu'il faut aller. Hein, c'est un truc. Une déchetterie. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Julien qui dit les tarés, lui, aller mater Mentaliste ou Under the Dome à la place d'écouter Mickaël, c'est fou. Ah ouais, mais par contre, Under the Dome, j'ai commencé la série. Là, je suis presque à la fin de la première saison. C'est juste une tuerie, j'adore. Ah ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu. Ah fou. Putain, j'ai kiffé. J'ai vu les trois premiers épisodes. Ah ouais, c'est des trucs de ouf. C'est vraiment super énorme comme série. Et puis après, j'ai vu trois premiers épisodes et puis après directement j'ai vu la suite. Oui, parce que j'ai dû prendre mon avion direction les États-Unis pour acheter le DVD là-bas. Ah bah oui, c'est normal. Afin de revenir ici pour ne pas télécharger illégalement, bien entendu. Oui, bah oui. Évidemment. Bah t'as raison. Bah oui, franchement, les gens devraient faire comme moi. C'est bon. Vrai. Et Maxime qui dit également là où est-ce qu'il est, Maxime. Je l'ai perdu son message. Ah oui, voilà. Passer à Rodez, pourquoi pas. À Marseille, il y a convivialité et ambiance famille. Venez, vous ne regretterez pas. Ah mais merci Gabriel. On va y réfléchir du coup. Et petit Luc qui dit franchement, vous êtes des oufs. Je vous adore. Continuez comme ça. Pour l'instant, c'est quand même le maximum de messages pour Montpellier qui sont arrivés. Mais on verra. Rien n'est fait. On va voir. Mais sinon, à Mont-de-Marsan, ils savent te donner envie de venir. Hein. La ville est enfin ouverte sur son environnement, vous êtes à un quart d'heure de la forêt, à une heure des plages, à une heure de Bordeaux et à une heure et demie des Pyrénées. Ouais, donc en fait, t'es au milieu de rien. Il faut partir quoi. On a tous les bons chemins pour partir. Au milieu de rien, c'est très bien. Bon, alors, Sandy, tu voulais donner quoi comme avis, toi, Laura? Alors, en fait, je pense que déjà, tu peux pas dire que t'es en couple avec quelqu'un si tu l'as pas vu. Ah, et ça, même, c'est sûr. En plus, il t'a même pas vu sa tête, quoi. Ouais. Et en plus, faut faire hyper attention parce que tu l'as eu une fois au téléphone et tu dis que t'as entendu que sa voix, elle était vieille, genre. Alors, faut faire hyper attention à ça. Genre, tu peux faire des astuces et est-ce qu'il te demande des fois de te voir, est-ce qu'il a proposé ça? Ouais. C'était pas bien clair ta question, ouais. Sandy, quand même, hein. Oui, non, mais est-ce qu'il a demandé de te voir, voilà quoi, genre chez lui. Ma mère proposait de le voir, je sais plus c'était où, c'était dans un parc, je crois, vers une forêt, on sait rien. Oh là là. Ah ouais. Attention quand même, le mec qui te donne rendez-vous dans un parc près d'une forêt. Attends, on va l'appeler dans quelques minutes, Laura, ne bouge pas, surtout. Il y en a qui ont donné rendez-vous sous un arbre. Oui, c'est vrai aussi, c'est détente. Non, je l'ai emmené sous l'arbre, c'est pas vrai. Ouais. Bon, alors, attendez, restez là, Jean-Michel, tu restes avec nous. Sandy, Emma, vous avez encore un truc à ajouter? Moi, je voulais savoir si c'était possible de passer quelques petites dédicaces. Non, quelques noms, mais une, oui, tu peux y aller, vas-y, choisis la bonne personne, hein, une seule. Je vais faire une dédicace à ma jumelle Danae, ma cousine. Ah bah voilà, très bien, une seule, hein. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans une seule, Emma? Une, just one. Donc on embrasse ta jumelle également et Toff sera ravi de savoir que tu es une jumelle. Ah oui, je me déjà tout excité. Encore une bonne raison de venir à Mont-de-Marsan. Salut, voilà, Emma. Ok, bienvenue à Mont-de-Marsan. Ça marche, Emma, gros bisous, ouais Sandy. Je peux l'avoir le pitoyable mais pas digne de pitié là. Et ça commence à mendier maintenant. Bah voilà autre chose là. Bon, attends, je te le mets. Attends, Sandy. Pitoyable mais pas digne de pitié. Attends, merde, j'ai mal entendu. Pitoyable mais pas digne de pitié. Voilà. Et le nouveau stagiaire là, oui. C'est lui que j'ai au téléphone. Ouais. Oui, c'est Dexter. Il a une voix trop sexy. Oh, il a une voix trop sexy, putain t'as pas vu sa gueule. Bah, je te le repasse. Voilà, et t'inquiète pas. Il ressemble vraiment à Dexter. Ah, il ressemble. Bah oui, mais va voir sur le Facebook, on a mis la photo la semaine dernière. Et le problème, c'est. Il est moins beau. À partir de 22h, j'ai pas d'internet. Bah, c'est pas grave, sur internet, tu peux aller 24h sur 24. Hein. En plus, mais j'ai pas internet à partir de 22h. Non, mais peu importe, la photo elle est sur le Facebook, donc tu peux y aller n'importe quand, elle est dessus. Ouais, mais j'irai voir après. Mais là, ah, bah oui, non, mais voilà, pas de problème. Bah écoute, Sandy, je te le repasse, de toute façon, il y a 14 ans aussi, donc pas de problème. Salut à toi. Hein. Salut, Sandy. Allez, ciao à toi. Jean-Mi, encore un truc à ajouter? Ouais, c'est possible d'avoir le numéro à Laura. Bah écoute, si elle veut, oui. Comment? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va filer ton numéro à Laura, et puis après, elle rappelle si elle veut. Ça me paraît honnête. Ça va. On fait comme ça? Bon, bah c'est parfait. Salut à toi, Jean-Michel. Merci d'avoir appelé. Allez, vas-y, à une seule personne, oui. Hein, comme tout à l'heure. Ça, hein. Ça va être un groupe général à tous les membres du PSN de MW3. Très bien, message passé, pas de problème. Salut à toi, Jean-Michel, à bientôt. À bientôt, c'est allez, ciao. Retour avec Laura, tu restes avec nous, Laura. Ruben également avec la colle. Et puis je vous l'ai promis tout à l'heure également, le son d'Avicii sur Fun Radio, au cœur de la nuit sans pub. Hey Brother sur Fun Radio. Hey Brother. Fun Radio. Mickaël, nos limites, nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Bon, on est en direct sur Fun Radio. Je suis en train de vous tweeter live and direct également la photo des sextoys qu'on a à vous offrir. Oui. C'est Gilbert le Magnifique et GG l'Explorateur. Voilà, on les a. On en a plein à vous offrir, les filles. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous demandez quand vous passez à l'antenne. Si on a de stock, on peut vous enfiler, bien entendu, si vous avez 18 ans minimum. Et c'est offert par. Passagedudésir.fr. Voilà, attendez, je suis en train de vous les tweeter en live. Hein. Voilà, qu'on vous offre, vous kiffez ou pas, allez, dites-nous directement sur le tweet. Alors, j'ai pas mis sur Facebook parce qu'ils sont un peu prudes. Hein, donc, j'ai peur que ça les perturbe sur Facebook. Donc, je l'ai mis sur le Twitter. N'hésitez pas, allez-y. Donc, vous m'ajoutez, hein, tout simplement. Vous tapez M-I-K-L officiel pour venir m'ajouter. M-I-K-L _, c'est la petite barre en bas, officiel pour m'ajouter. Et puis, si vous m'ajoutez, eh bien, je vous ajouterai également avec grand plaisir. Voilà, la photo est en ligne dans 3 secondes. Oui, je fais tout en live, évidemment. Voilà. Tu es trop fort, Mickaël. Oui, je sais. Allez, et en plus, il y en a un, il est rose, mais il est juste énormissime. Hein. C'est-à-dire que c'est Gilbert le Magnifique qui est énorme. C'est waouh. Ah bah, il est magnifique. Ah bah, il est magnifique. Hein. Bon, bah, allez voir. Voilà, vous allez sur le Twitter maintenant, vous m'ajoutez Mickaël _ officiel. Et si vous n'avez pas, je suis désolé pour vous, mais si je mets ça sur Facebook, après, ils vont me casser les couilles, Facebook. Ils vont encore bloquer mon compte, comme d'habitude. Donc voilà. Donc, j'ai préféré ne pas le mettre sur le Facebook. Bon, Laura, tu regardes souvent la télé ou pas, Laura, toi? La télé, oui. La télé de temps en temps quand même? Ou régulièrement vraiment ou pas? Non, très très souvent. Bon d'accord, ok, très bien. Non, parce qu'il y a les ch'tis Hollywood qui passent, il y a Christopher qui nous prouve encore une fois tout son amour pour la langue française. C'est comment il faut s'en prendre et tout, comment il faut lancer le petit regard et tout. Ah oui, très très bon. Hein. Oh là là. Oh là là. Mais je me demande parfois si même lui il comprend ce qu'il dit. Bah écoute, ça m'étonnerait. Et puis Nabila qui vous révèle enfin sa vraie passion pour le tube. Enfin, dans le tube plutôt. Mon chirurgien m'a voulu m'en dissuader. Il m'a dit non, c'est trop gros. J'ai dit non, je veux. Donc maintenant j'assume. Après, voilà, c'est tout le temps. Ouais, elle a des gros seins. Ouais, j'ai des gros seins. J'aime trop. C'est ma passion. Eh ben voilà, si c'est sa passion, tant mieux alors. Hein. Mais oui. Ben voilà. On peut pas l'empêcher. Oh, non, mais ah oui, ça c'est sûr, effectivement. Et bon, et si vous aviez un doute sur le fait que les syndicalistes sont relous, j'ai la preuve que même eux, ils se saoulent. Le syndicat prépare son meeting de rentrée et comme chaque année, il compte bien se faire entendre. Ouais. C'est bon. C'était juste pour savoir si ça marchait. Ah, vas-y mec, Roger a fait péter le klaxon là pour voir si ça fonctionne le truc, c'est pas sûr encore. Bon, Laura, on va appeler le mec. Avant d'appeler ton mec là que t'as pas vu depuis 2 ans, parce qu'en fait tu l'as jamais vu mais tu sors avec lui depuis 2 ans. Il y avait Francis à Caen là qui avait également son mot à dire là. Salut Francis, avant qu'on appelle. Oui. Oui, comment ça va? Ça va comme le temps. Ah, une belle expression de vieux ça, hein, Francis. Oui, je pense que même ma grand-mère elle l'a dit. Ah, quel âge tu as, Francis? 42. Bah pourtant t'es pas si vieux que ça quand même. Comme le temps, Francis. Non, elle se rend pas. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Francis? Tu voulais réagir à Laura? Ouais. Non, la météo. Comment donc elle est à Marseille. Oui. Il est à Lille. Oui. Ça veut dire que donc ça fait 2 ans qu'ils sont en contact. Ça veut dire que dans un ou deux ans, calcul. Ils vont se passer la bague virtuelle bien sûr. Laura. Ouais. Oui. T'es dans le fantasme, ma chérie. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. Ah bah ça, c'est une certitude. Allez, au-delà du fantasme. Non, alors, mais en plus le mec qui a essayé de la rencontrer en disant « Oui, viens dans un parc derrière chez moi », déjà, c'est très, très louche. Hein. Ouais, alors je voulais savoir, tu disais que t'avais des sentiments, mais qu'est-ce qui fait que t'as des sentiments pour lui ? Bah, je sais pas, ça s'explique pas, les sentiments. Après, j'ai des sentiments pour lui, mais... Oui, mais qu'est-ce qui fait que t'as des sentiments pour lui ? Bah, je sais pas, lui parler. Tu le trouves pas beau, c'est sûr, donc c'est... Bah, enfin, ça, je sais pas, je l'ai jamais vu. Bah, forcément, oui, mais c'est ça. Ouais, donc en fait, j'ai l'impression que t'as des sentiments, mais c'est des sentiments flous, apparemment. En plus de ça, tu l'as eu une fois au téléphone, t'as dit qu'il avait une... Il y a deux ans, hein, c'est pas comme ça, il y a six mois ou il y a deux mois, c'est il y a deux ans. Comment, deux ans ? Comment, t'as le moral, hein ? Moi perso, comment à ta place, je passe au téléphone avec un mec comme ça, je trouve qu'il a une voix bizarre. J'arrête. Passe au téléphone, je sape. C'est clair, non mais évidemment, c'est sûr, moi aussi. Je vais t'expliquer quand même, c'est que moi je vais beaucoup sur les sites. Ouais. Une nana qui me cite son téléphone, je lui demande d'abord si elle est plutôt message ou téléphone. Si elle me répond qu'elle est message, au revoir. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ouais, c'est parce qu'il est vieille école, mais non, faut qu'on lui parle. Ouais, bah, il a raison. Déjà, bon, j'aime pas les messages et je préfère le téléphone, donc si elle me dit qu'elle a des messages, je zappe. D'accord, ok. Bon, écoute, on va l'appeler directement, hein, Laura. On va appeler Mickaël, justement. Hein. Ce sera plus simple. Attends, et qu'est-ce qu'on lui dit à ce mec, en fait ? Bah, bonjour, déjà. Bah oui, on va lui dire bonjour. Attends. Alors, attends, comment il va ? Bonjour. Ah, bah voilà. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Ah, oui, alors voilà, c'est plié, Laura. Voilà. Bon, écoute, arrête de parler avec lui, hein, Laura. Voilà. C'est-à-dire que même le numéro, il est plus bon, donc laisse tomber. Hein. Lâche l'affaire. T'es en train de fumer un pétard en même temps que tu le parles, Francis, ou pas? Non, ça fait quand même deux fois. Non, je suis en train de fumer un cigario. Ah d'accord, ok, très bien. Non, oh bah surtout pas ça. Surtout non, bah, on sait jamais, hein, vu les inspirations que tu prenais, je m'inquiétais à un moment. Non, surtout pas ça. Et au fait, Miguel, ouais. Tout à l'heure, t'as demandé sa taille, son poids, Laura. Ouais. T'as demandé son tour de poitrine. Oui. Logiquement, il aurait fallu que tu lui demandes son tour de poitrine et son bonnet. Mais c'est fait. C'est ce qu'on fait. 95B. Non, tu as demandé que son tour de poitrine. Ouais, mais on se comprend, on va pas rentrer dans le détail. Et oui. Logique, c'est si, non. Bah non, parce qu'on comprend. Oui, mais enfin bon, logiquement. Tour de poitrine. Oh, dis donc, et puis Francis. On est fidèle à l'émission, c'est pour hein ça. Eh oui, c'est ça. Hein, Francis. Vous êtes un imbécile. Non, ça c'est pour toi, pardon, attends pour moi. C'est pour toi. Oui, on va voir. Bon, bah merci Francis d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux sur Fun, je te repasse Sandro au standard. Ah ok. Salut Francis, à bientôt. Et Laura, bah tiens-nous au jus, hein. Comment ? Je dis tiens-nous au courant. Oui bah oui. Bon bah je compte sur toi. Mariage, hein. Oui, ah bah bien sûr, le mariage et tout, on veut en être, hein. D'accord ? D'accord, bon. Je peux passer une dédicace ? Ça roule. Allez, vas-y, on speed à une seule personne, on t'écoute. Bah à mon grand frère que j'aime. Très bien, eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème, mais oui c'est mignon. Salut Laura, gros bisous. Allez, à bientôt Laura, retour avec JB dans quelques minutes. On va parler de quoi dans quelques minutes, JB, avec toi ? Ouais, ça va bien. Oui, ça va et toi ? Oui. Hey, je viens juste de t'ajouter là sur Facebook. En fait, je t'envoie un petit message, tiens. Bah très bien, tu fais bien, JB. On va parler de quoi dans quelques minutes. Hey, j'ai pas mon message de bienvenue, s'il te plaît. Oui, ah bah c'est normal, attends une seconde. Connard. Voilà. Tu... J'aime. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi ? Bah en fait, moi je suis principalement basé sur le skank. Le skank, c'est le contretemps à la guitare. Et en fait, bah, je chercherai des gens sur Clermont-Ferrand, en fait, pour... Ok, voilà, bien sûr. Bouge pas de la JB, nous allons parler avec toi d'ici quelques minutes. Une fois que les portes se seront refermées, et que... n'oubliez pas que le gilet sauvetage se trouve sous votre siège et qu'il ne faut bien entendu pas l'ouvrir avant d'être à l'extérieur de l'appareil. BNC aux portes. Préparez-vous au décollage, nous allons partir dans quelques instants. Voilà. Un repas vous sera servi à bord de ce Airbus A380. Ah oui, c'est ici votre commandant de bord, je m'appelle. Oui, ici, Tof, m'aider. Oui, attendez, je chauffe. Comment ça marche? Attendez. J'envoie un texto pendant que je décolle. M'aider. Oh, ça pourrait être tellement ça. Mec, si t'as vu conduire un avion, mec, je saute. Ah mec, moi je monte pas dedans. Ah moi je monte pas, c'est ah bah attends, c'est une évidence. Bon, il y a des messages qui sont arrivés, il y a Mademoiselle La Folasse qui dit la réponse, c'est peut-être un billet pour la colle. Bah je sais pas, est-ce que c'est vrai, Ruben? Non plus. Ah, c'est pas ça. Bon, bah, très bien. Alors, il y a Cyrielle qui dit comment être amoureuse de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. C'est la question qu'on posait. Echo qui dit t'as de la place dans ton jet pour moi, Mickaël. Ouais, bah, une dizaine de personnes hein, dans le jet. Y a pas de problème. Par contre, le billet est cher. Ouais. Et Maxime qui dit passer à Vichy, c'est une tuerie. La rime, c'est cadeau. Oh, bah, merci. Franchement, il y a mieux. Y a pas mieux que Vichy. Oui, écoute, Maxime, pourquoi ouais. pas. Colline encore qui dit venez dans les Pyrénées. Y a le ski, les montagnes, un bol d'air frais. Ça fait pas de mal. Ok Colline, mais alors plutôt janvier-février alors, non? Ouais, quand il y a un peu de neige. Bien caillé même. Ouais, mais on s'en fout, comme ça je viendrai avec ma nouvelle planche et tout, ça va être la folie totale. Le beau gosse, pardon. Exactement. Le beau gosse. Et Vardy aussi qui dit vers une forêt, mais lâche l'affaire, je le dis depuis le début. Et Bloody Valentine qui dit Mickaël, un des seuls mecs qui arrive à exciter un hétéro avec sa voix. Je sais pas si je prends ça comme un compliment. Bah, mais bon. Si. Bon, si, d'accord, si. Ok, très bien. Et Fred également qui dit il y a la Vanita à Mont-de-Marsan, passez quand vous voulez. Ah bah voilà, tiens, encore quelqu'un qui nous propose de venir à Mont-de-Marsan. Il y a Nauvergnat qui dit viens Clermont-Ferrand, au pays des vaches et des volcans et du fromage et de la bonne bouffe. Je paye mon McDo. Ah bah ça vaut bien la peine de venir dans un endroit où il y a la bonne bouffe pour aller au McDo, tiens. Ah oui, ça donne envie de venir là. Ah ouais, là, ça donne envie de venir. Et Anso qui dit venez au Havre, vous avez loupé le Transat Jacques Vabre, 20e anniversaire. Ah oui, putain, ah bah, c'est con. Ouais. Le café est gratuit. Ah ouais. Et viens faire l'émission à Strasbourg, c'est Joshua. Mais alors on n'est pas diffusé à Strasbourg, il n'y a même pas d'émetteur. Comment tu nous captes à Strasbourg là, dis-nous. Est-ce que tu écoutes par internet ou comment ça fonctionne? Par contre j'annonce, je n'irai pas sur la place. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, je me suis fait agresser par une foule. Ah oui c'est vrai, il y a eu du monde la dernière fois qu'on était à Strasbourg. Oui. Et il y a Rambo qui joue un message de bienvenue et c'est le beau-père du Corse. Ah oui, le beau-père. Rambo. Alors attends, parce que le beau-père, où est-ce qu'il est encore celui-là le beau-père? Est-ce que c'est celui-là? Non. Merde. Non, c'est pas ça. Alors attends, je crois que... Ah oui, voilà. Oh, baltring, Cotier. Oh, PD, Cotier. Attends, je vais même te le mettre en entier, tiens. Ça te plaît, hein, ça te plaît, cochon, Cotier. Enculé. Écoute-moi bien, petit enculé. Oui. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Oh, baltring, Cotier. Voilà, en toute sympathie, bien entendu. Bon, Ruben, on va se faire la colle et dans quelques minutes après le chéri, je peux te faire cocu, on appellera un gagnant ou une gagnante qui repartira peut-être avec la Xbox One. T'es prêt pour la dernière fois là? Ouais, je suis prêt. Allez, vas-y Ruben, fais péter la colle. Alors, je tombe sans me faire mal ni de bruit, qui suis-je? Je tombe sans me faire mal ni de bruit, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse au 64 900 ou au 63-22 pour la Belgique. Il y a Antoine qui proposait un enfant anorexique. Oh, c'est dégueulasse. Il y a Manon qui proposait le brouillard. Ah, pas mal le brouillard, non, mais c'est non, pas non. ça. Louise qui dit les règles. Oh, classe. Non. Voilà, une sauterelle. Non plus. D'accord, bon bah très bien, bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y hein. Donc M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63-22 pour la Belgique. Sans oublier également le Facebook qui fonctionne, Facebook et Twitter pour lire la question et y répondre. Pour choper la Xbox One et le jeu Call of Duty Ghost qu'on vous offre avant les autres. Car c'est normal, c'est comme ça, nous avons le bras long à fun. Et vous allez simplement sur le Facebook, vous tapez M-I-K-L officiel pour me rejoindre. Ruben, on te récupère dans quelques minutes. Ok, pas de problème. Parfait, et on va se faire le chéri, je peux te faire cocu comme chaque lundi, juste après le son de Katy Perry qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est Walking on Air sur Fun. C'était Katy Perry à l'instant sur Fun Radio au cœur de la nuit sans pub. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et on est en direct évidemment, minuit 26, comme tous les lundis soirs, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Ah. Eh ouais, le principe est simple, on appelle le mec ou la meuf du gars qui nous appelle ou de la meuf qui nous appelle, et le but, lui faire croire soit Sandro, soit moi, on a dragué le copain ou la copine, et qu'on a surtout, on lui a surtout proposé de coucher avec nous juste un seul soir, et après, terminé. Et le but, c'est de demander l'autorisation du conjoint ou de la conjointe. Et puis là, pour jouer à ce chéri, je peux te faire cocu, n'hésitez pas à commenter. Pendant qu'on va le faire avec le hashtag et Mickaël sur le Twitter, on accueille Daniel qui est avec nous là. Comment ça va Daniel? Bon, ça va bien et vous? Bon bah salut. Oui, ça va bien ouais. T'appelles pourquoi Daniel? Pour faire le chéri, est-ce que je peux te faire cocu? Ah parfait. C'est vrai que d'habitude on a plutôt tendance à jouer avec des filles qui veulent ouais. piéger leur mec. Mais finalement c'est pas plus mal, on va faire un petit peu le sens inverse. On l'a fait rarement mais on va le faire sans problème. Un petit peu d'égalité dans cette émission. Exactement. Bon alors parfait. Chéri, je peux te faire cocu, magnifique. On va donc appeler ta copine, comment s'appelle-t-elle? Emeline, très bien. T'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, ok, très bien, c'est noté. Et tu l'as trompé combien de fois? Ouais, en vrai, tu as trompé combien de fois? Bon, en vrai, jamais. En vrai, de vrai. Bon, ça a

merci, je te remercie. Bon, allez, j'arrête là parce qu'après, je vais me perdre ma voix. Ah ouais, plein de messages. On va mettre du miel pour le chanteur. Ah oui, c'est vrai, c'est gentil, merci. Il y a Andreas qui dit elle a baissé d'un ton là. Oui, t'as remarqué aussi, toi. Et la fouine qui dit une insulte toutes les 10 secondes. C'était à peu près la moyenne d'Emeline. Quentin qui dit morduré, vous êtes un. C'est quoi? Une bande de grands bâtards. Oui, c'est vrai, gros même, oui, bâtard. Gros tarbes. Nathalie aussi, trop tard le répasse. Ah oui, alors improbable. C'est-à-dire qu'on envoie un message à une meuf qui s'appelle Nathalie en lui demandant son numéro de téléphone parce que quand on sélectionne les gens sur Facebook, ben on leur demande leur numéro de téléphone pour les appeler en direct à l'antenne, notamment pour la Xbox. Donc on envoie quelqu'un qui a a priori une donner la réponse. Voilà, et donc du coup on lui envoie un message en disant et tu peux nous filer ton numéro de téléphone pour qu'on t'appelle. Et il répond trop tard, le répassé, ah, je donne pas mon tel. Et ben écoute Nathalie, tu te mettras la Xbox dans le fion. Voilà. Si je te dis, Nathalie. Bien profond, au fond. Hein. Avec complètement, ouais. Voilà. Et alors le prince qui dit quel romantique ce Michel, chanson de Lover, ils avaient vu un peu. Hein. C'est improbable. Et après, la fille là. Ah oui, qu'elle insulte comme ça. Bah oui. Ah oui, non, celle de Xbox. Et la Xbox, ouais. Ah oui, bah elle veut pas, c'est pas grave. C'est Christophe qui est trop explosé de rire. Il y a Steven aussi qui est trop bon le son. Et Gabriel, Mickaël No Limite est officiellement une émission de malade. Oui, effectivement, bon, on le savait déjà. Hein. Julien aussi, trop fort le chéri, je peux te faire cocu. Henri aussi, qu'est-ce qu'on s'est marré. Bravo pour la chanson en mode lover. Ah bah merci. Attends, mais en même temps, c'est normal. Je suis un grand lover. Bah oui. Si vous voulez que je vous sorte une autre chanson de lover, vous me demandez. Hein. Moi, il n'y a pas de problème avant 2h du mat, même avant 1h. Je peux vous en refaire une sans problème. Première fois que je vous écoute et je vous surkiffe du fond de mon lit, vous donner le sourire malgré le mal de ventre. Merci Axel, gros bisous à toi et bon courage pour le mal au bide. Et Mélanie aussi sur le Twitter, dès qu'il revient, je lui arrache les couilles avec les dents mort de rire. Ah ouais, non, mais elle était pas tendre en plus. Ouais. Et il doit pas rigoler tous les jours à la maison, lui. Hein. Ah bah il doit être. Oh là là, et Doliprane qui dit tant de violence, Emeline est trop chaude. Mathias également, je suis mort de rire. Vous avez balancé hein, les messages là, sur le Twitter et le Facebook. Et Echo qui dit diète à putain de salope de la fermer, sinon je vais l'encastrer. C'est trop bon. Ah ouais, elle était d'une violence. Et alors Bloody Valentine qui dit au fait Mickaël, j'ai une question comme ça, c'est quoi ton parfum? Bah alors il y en a plusieurs, il y a Dick Enoy, il y a Marc Jacobs et l'autre je sais plus. Boss. Ah bah, monsieur, voilà. Plusieurs. Bah oui, bien sûr. Tiens, c'est quoi ton parfum? C'est caca de chez... Voilà. Caca de chez Pipi. Bon, et lui, très bon hein. Moi j'utilise caca de chez Pipi. Mais comme quoi Polo on peut le faire rire avec des trucs simples. Non, mais c'est drôle hein. Oh là là. Et Ludovic qui dit des vannes simples. Ouais, moi je veux bien la Xbox One lol. Oui bah si t'es tiré au sort, mais on va envoyer d'autres messages, vous inquiétez pas. Donc allez-y hein, si vous voulez la gagner, on fait les envois maintenant là. Enfin on appelle les gens maintenant et on envoie les messages privés maintenant pour avoir le numéro de téléphone. facebook.com/mickaël officiel. Petit Kiwi qui dit je veux mon message de bienvenue Mickaël, je débarque sur Twitter là. À l'instant, bien entendu, message de bienvenue. Alors attention, je vais t'en mettre un petit. Ah, tu veux ton message de bienvenue? Gratté, gros con. Eh ben voilà, le message est passé. Et Vardy aussi qui dit bande de fous furieux. Il n'y a pas de problème et on vous offrira évidemment le parfum de Toff très prochainement. Oui. Hein, il faut le temps que je me pète 2-3 fois. Le caca de chez Pipi. Une grande classe. Bon, allez, au cœur de la nuit sans pub sur Fun. Bienvenue si vous débarquez. C'est Mickaël No Limite. C'est comme ça tous les soirs de 23h à 2h du lundi au jeudi. Le dimanche soir de 20h à minuit. On va récupérer JB dans quelques minutes. Et puis Ruben pour la colle juste après le son de Dab. Ce qu'on écoute maintenant, c'est Tsunami. Vous êtes un imbécile, connard. Sale con, connard. Sale con, connard. Ça te plaît, cochon petit là. Enculé, écoute-moi bien petit enculé. Si j'ai le bonheur de te retrouver, je vais te défoncer ta gueule. Je vais te raser la tête et je vais te crever les yeux. Au baltringue que tu es. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limite, No Limite. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Je ne comprends pas cette haine là que certaines personnes ont, c'est quand même improbable. Thomas qui dit je vous écoute depuis hier, j'aimerais un message de bienvenue et surtout ne changez rien, vous êtes kiffant, bah bienvenue à toi. Et il y a beaucoup des nouveaux là pour le coup, hein, c'est pas mal. Merci à vous. Et puis message pour toi, oui, si tu veux, pas de problème. Tiens, un que toi fin d'or. Je vais couper la tête avec mon pénis, ok. Voilà. C'est un de mes préférés. Voilà Thomas, il y a JJ également qui dit la prochaine fois faut que je pense à pisser avant 23h pour que j'évite de me pisser dessus. Merci Mickaël pour tous les bons délires. Oh, merci JJ, c'est gentil ce genre de message. Et petit Kiwi qui dit je veux mon message de bienvenue, là je débarque à l'instant sur Twitter. Je t'ai mis hein, il me semble, j'ai déjà lu le message. Je crois pas. Ouais. Bon, écoute, dans le doute, je t'en mets un petit. Hein, ça se trouve, t'en auras eu deux. Hein, voilà. Hop là, kiwi. T'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Voilà, t'as déjà touché la chatte à ta mère avec tes deux oreilles. Ça valait le coup, celui-là. Voilà, exact. Et Maxime, vous êtes énorme. Vous me faites trop marrer. Continuez comme ça. Merci. Et Julien qui dit viens voir la Belgique, je te paye le moule frites. Oh, bah, tu sais que je suis belge, Julien. J'étais encore à Bruxelles ce matin, donc, enfin, ce midi. Même cet après-midi. Donc, oui, pas de problème. Mais après, nous, moule frites, on prend. Hein, ah, bah, grave. Enfin, plutôt frites. Hein. Moi, moule, je suis pas trop. Pas trop fan. Mais Toff, il aime bien les moules. Moi, j'adore les moules. Si elles sont avec beaucoup de poils. Tu sais qu'il a quand même été un jour, on va au stand avec Toff. Je sais plus. Enfin, moi, j'étais quelque part par là. Je sais plus. Bref, il c'est quand même le seul mec qui prend un sandwich à la moule. Grave, c'est super bon. C'est super bon. Il y en a, ils mettent du thon, d'autres ils mettent, je sais pas moi, bon, plein de trucs quoi. Là il met de la moule. La c'est moule sauce tartare, c'était de la super moule. Bon. Vous n'y connaissez rien. Ouais. Et Greg qui dit aussi un message de bienvenue pour Alice, ma chérie, qui vous écoute pour la première fois. Ah, oh, mais très bien. Écoute, eh ben, un message pour toi, Alice. Va te faire enculer. Voilà, écoute, j'espère par ton mec Greg, en tout cas, t'en découvert. Et alors, Pascal qui dit bonsoir de New York. Hello, NYC, how are you, motherfucker? WWNYC. Voilà, Pascal. Merci à toi, Pascal. Et Audrey également. Mickaël, tu peux faire passer un message à mon copain. C'est Alex, le routier. Un message quoi? De bienvenue, j'imagine, a priori. Hein. Voilà, message de bienvenue pour le routier. Ferme ta gueule, tu m'entends ou pas? Eh ben voilà, je pense qu'il a bien entendu. Bon, il est l'heure de tir au sort, là, on est à la bourre. Tirage au sort avec Ruben. Allô, Ruben? Ouais, très bien. Bon, on va faire le tirage au sort pour savoir si tu repars avec la Xbox One. Ouais, ok. Ou si tu repars... Les mains vides. Ouais, mais que dalle, exactement. Bon, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit sur le Facebook ou par SMS au 64 900 avec en début de message et Mickaël ou au 63 22 pour la Belgique. C'est parti. On appelle maintenant un ou une gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant... A la bonne réponse, elle gagne, tu perds. Si ça ne décroche pas ou qu'elle a la mauvaise réponse, c'est toi qui gagne. Pour l'instant, ça sonne. Allô ? Allô ? Oui ! Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Mélanie, bonsoir Mélanie. Quel âge as-tu ? Oui. Dans quelle ville ? J'habite Bordeaux et j'ai bientôt 28 ans. Oh, attends, Toff. Combien mesures-tu, Mélanie ? Oui, c'est dans 15 jours, mon ami. Hein, donc on joue ça. Ouais, donc c'est pour ça. Mais combien tu mesures ? Va te faire enculer. Ah, mais pardon. Donc, combien mesures-tu ? Connard. 1m55. Connard. Combien pèses-tu ? 42 kilos. 41 kilos. Contre, quel est ton tour de poitrine ? Vous êtes un imbécile. 85B. Connard. Exactement. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? La taille de quoi ? Du dernier pantalon que tu as acheté. Vous êtes un imbécile. 34. Oh, ah oui ! Oui, effectivement. Bon, alors, maintenant que nous sommes présentés, rappelle-moi ton prénom, je l'ai oublié, parce que quand c'est Mélanie, pas le talent standard, Mélanie, voilà, oui. Exactement, ouais. Mais là. Bon, du coup, il y a Ruben qui a une colle à te poser. Vas-y, Ruben. Allez, ok, dis-moi. Alors, je tombe sans me faire mal ni de bruit, qui tu es. Sale con. Ah non, c'est pas ça la réponse. Vas-y, Mélanie. J'ai pas entendu. Alors, répète plus fort, Ruben. Connard. Ah non, faut que je vais pas répéter. Ah si. Ah là si, j'ai pas entendu, il y a eu le mot connard entre deux. Comment ça? Connard. Sale con. Vous êtes un imbécile. Alors, je tombe sans me faire mal. De bruit qui suit. Ah bah, c'est la nuit. La nuit. Oui, ouais. La nuit. Et oui. Pédé de merde, va. Pas mal. Bon, Ruben. Ouais. Vous êtes un imbécile. Hein? Parce que t'as raté là quand même. Hein? Ouais, mais bon. Raté de chez raté. Hein. Et Mélanie. Et ouais. Digne de pitié. Alors attention. Attends, je fais une moonwalk. Tu. Non. Attention. Mélanie. Ouais. Fais une moonwalk. Bon, Mélanie, alors tu peux à tout moment, si tu le souhaites, échanger ta Xbox One contre. Ouais. Contre. Est-ce que tu serais prête contre quelque chose peut-être d'encore mieux d'échanger cette Xbox One? Alors bah attention, il va te faire une crasse. Non, pas du non, tout. Pas du tout. Ça dépend si la proposition est sérieuse ou pas. Ah, oui. Ah non, elle est très sérieuse. Alors attention, je ne permettrai pas de plaisanter. Attention. Car je ne suis pas un plaisantin. Roule mon temps. Bon. Alors juste, est-ce en fait, que est-ce que est-ce, ouais. Oui, vas-y, dis-moi. Non, fais la proposition. Non, mais vas-y, dis-moi. Il n'y a pas si longtemps, c'était les iPhone 5C. c'est vrai. Je crois. Ok. Et en fait, j'avais un iPhone 5. Ouais. Je suis passée à un HTC One qui n'est pas mal. Tu nous racontes ta vie là, non, il me semble. Ouais, ouais, voilà, ouais, exactement. Mais en fait, je suis en galère, je veux retourner sur un iPhone. Ah ouais, ouais. Donc tu nous racontes ta vie là, ouais. C'est ça. Ouais, ouais, un petit peu, mais bon, en fait, d'accord. On a rien à faire, j'en profite. Ah oui, t'en as oui, rien j'ai rien d'autre à faire. D'accord. Je bosse demain matin, mais je restais éveillée pour vous. Non, hein. C'est oui, mignon. Oui, oui. Oh, dormi, dormi. Mélanie. Ouais. Bah écoute, pour ton iPhone. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Voilà, tu demanderas à Valentin s'il a deux stocks. Nous on n'a pas ce soir, mais bon. Bon, non, je disais, et c'est extrêmement sérieux, serais-tu prête à échanger la Xbox One avec le jeu Call of Duty Ghost que tu viens de gagner? Contre. Contre. Ça sent le truc foireux. Pas du tout. Contre. Ça roule. Ah oui, ça roule. Alors, qu'est-ce que... Contre. Henri. Allez, accouche. Oui, bah une seconde. Serais-tu prête à échanger ta nuit ta... n'importe quoi. Ta Xbox One contre. Eh, allez, j'ai une petite cadeau à faire, moi. Ok, les relous. Contre deux cadeaux. Ah, ça dépend. C'est ça dépend. Dit oui, dit oui. Non, quoi qu'il arrive. Hein. Ah oui, c'est ça. T'as losé. Hein. Contre. Le petit cadeau de consolation, ce serait un parfum. Le parfum de Toff, c'est-à-dire. Caca de chez Pipi. Voilà, ouais, non, caca de chez Pipi. Et en plus, une nuit de sexe avec Toff. Ah bah non, je prends la Xbox. Il faut la rassurer. Direct. Eh ouais. Eh ben voilà. Eh ben la Xbox c'est pour toi Mélanie avec le jeu Call of Duty Ghost. T'es la deuxième à gagner le la console hein, puisque je rappelle qu'elle est pas sortie encore et qu'on est premier à la voir. D'ailleurs tu as vu la belle console. Tu as préféré oui, quoi je l'ai vu. Est-ce que tu as préféré le décor du studio, ma tête ou la console? Ta tête. Oh merci Mélanie. Je te mets deux consoles. Pourquoi pas, tu viendras jouer avec moi. Mais avec plaisir, je te mettrai ta race. Ouais, il y a des chances. Ouais, bah oui, forte chance, oui. Bon, très bien. Eh bah, tu pourras t'entraîner avec la Xbox One. Eh, tous les gamers là, ils doivent rager. Ouais. Putain, elle sent pas les couilles. Elle sait même pas jouer, la galère console Xbox. Eh ouais, je suis là, il s'allère. Ouais, mais c'est une expérience tout en un, la Xbox One. Ouais, ce n'est vrai. Pas juste une console de jeu. All in one. Ouais, on j'avoue. A bien appris notre leçon la semaine dernière à Paris Games Week. C'est bien. Bon, bravo Mélanie en tout cas, félicitations, je te fais des bisous. Ça déchire, merci beaucoup. Est-ce que tu peux remercier Ruben également Mélanie, vas-y. Ouais, je remercie Ruben. Je te fais des bisous partout, même sur la fesse gauche. Oh, c'est bien, attention Mélanie, il est mineur. Ah, bon, non, voilà, alors, une bonne poignée de main suffira. Hein. Sur la joue. Sur voilà, la joue, alors que nous sommes majeurs, hein, ouais. Mélanie. Hein. Et n'oublie pas polo@funradio.fr. Hein. Voilà, ouais. Tu disais quoi Ruben? Avec Mickaël, elle peut y aller. Ah oui, bah bien sûr, évidemment, de majeur à vacciner, il n'y a pas de problème. Enfin, ouais, tôt ouais. Vacciné, je suis pas sûr, mais majeur, oui. Bon, d'accord. Ça marche, gros ça bisous. Salut merci. Ruben, salut Mela, à bientôt. Merci. Oui, allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins, mais une seule personne, hein, vas-y. Ah oh non, vas-y, à plusieurs. Ah non, une seule. Bon, bah alors, mon frère Jordan qui est à Séoul en ce moment. Ah, il est à Séoul, mais en plus, il va bien t'entendre là, c'est où là en... Ah, en carton, en Corée du Sud. Ouais, Corée du Sud. On est, oui, premier radin en Corée du Sud. Corée du Nord, Kim Jong 2, là, hein, il nous écoute aussi. Ah oui, mais, bien sûr. Mais en même temps, il n'y a que lui, puisque il n'y a qu'une seule radio là-bas, et c'est lui qui l'a. C'est pareil pour le téléphone, hein, le téléphone, c'est lui, il a tout à raison. Voilà. Voilà, donc on est numéro 1 en Corée du Nord. On pèse. On a la classe ou on l'a pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon, ben, salut Ruben. Ouais, salut. À bientôt. Salut Mela. Au revoir. Salut. Ciao à toi, bye bye. Et JB qui est avec nous là. Allô JB. Ouais, il y a ça. Ah, je commençais à croire que vous m'oubliez. Bah, pas du tout. Attends, en plus, on t'a fait une entrée triomphale. C'est ça, quelle belle entrée. Truc de ouf. Bon, attends, Sandro, demande-lui également son pseudo sur Facebook là. Comme ça, on met le don. Sinon, après, ils vont encore dire qu'il est tricheur. Mais avec plaisir, JB. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je rechercherais plutôt un basse batterie, en fait, sur Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien à ce que tu me racontes, là, ton basse batterie, c'est... Un basse batterie afin de créer, avec moi à la guitare et au chant, un petit groupe de reggae. Tu cherches un batteur et un bassiste. Voilà. Et pas un basse batterie. Oui, et donc tu veux faire de la musique, mais est-ce que tu sais jouer? Bah, je sais pas, je demande. Sans la guitare là. Parce que ouais, Mike il joue bien. Attends, tu crois quoi? J'ai même écrit un truc. Non, parce que moi je gère en termes de guitare. Hein. Hey, c'est une strat. Hey, Fender Stratocaster, mec. Et attends, parce que je peux même faire de la batterie. Ouais. Alors? Il n'y a même pas de double pédalage, vas-y, t'as un. Il y a un triple pédalage, t'es ouf! Mais ou t'es quoi sérieux? Attends, je fais les deux en même temps parce que je suis très fort! Ah, pas mal, ouais, mais toi t'es bête. Voilà, et, bah ouais, mec. Et ce que je peux faire, c'est chanter en même temps que je fais la batterie et la guitare. Ah là, je te défie. Ah bah, quand tu veux. Alors attends, t'es prêt? Vas-y. Je l'avais déjà fait tout à l'heure, hein, mais c'est pas grave pour ceux qui étaient pas là. Là, je mets la guitare, pépère, tranquille, tu vois, la cool. C'est pas de moi, hein, c'est de Colette. Il va parler en chantant? Non, bah ouais, non, bah non, une seconde. Voilà, attention, là, je m'y vais. Attention, c'est parti, on y va, je chante. Alors, ça fait moins le malin maintenant là. Hein. Ah putain, j'ai cru que tu parlais presque à la fin. Putain, j'ai failli croire que c'était pas toi. Putain, ah non, non, rien à voir. C'est Mickaël, là, en direct. On est en live. Et on est en live. On est en live. Tu es en démol. Ah bah attends, on est en live et en direct. C'est la folie. Là. Live. Bah bien sûr. Bon, j'ai ma machine qui marche plus. Vas-y, joue toi. C'est embêtant. Sors ta guitare. C'est contrariant, ouais. Rien, on a un problème d'ampli, attends deux secondes, on règle ça. L'ampli. C'est un Fender. Non, c'est un Marshall en double 16. C'est un double corps Marshall. Alors, c'est un Marshall là. Ah ouais, vous avez. Mais bien sûr, on a un mur d'enceinte. Invitez-moi au studio et moi je vous fais. On a une Gibson SG, on a une Fender Stratocaster, on a une batterie. Vas-y, fais un extrait là, je redémarre mon ampli. J'ai mal compris. J'ai compris un extrait. Ouais, vas-y, toi, joue, toi. Vas-y, fais un extrait de ce que tu peux faire. Vas-y, j'envoie un petit truc. Vas-y. Il est pété, là. Alors, dis-moi déjà si t'entends la guitare. C'était parfait. Attends, bouge pas. On va se mettre d'abord Eminem. Vous êtes un imbécile. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et en direct, évidemment, 1h07 du mat, ouais. On est en direct et sans pub sur Fun pendant toute la nuit, ça c'est le côté à la cool. Il y a Anso qui dit, si vous avez une autre Xbox One, faites signe, j'ai une colle. Oui, alors il y en a une demain, une après-demain et une jeudi à gagner. Donc, bah voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas, il y en a une demain à gagner, la colle, il n'y a pas de problème. Anso également, c'est elle qui avait envoyé le message. Tof, c'est la seule personne qui va au Bois de Boulogne avec des tickets resto et qui demande la monnaie. Oui, c'est un peu ça aussi, ouais. Benjamin qui est trop mort de rire. Snack aussi, hein, oh, quelle horreur. Ça travaille les abdos. Bah, c'est aussi à ça que ça sert. Il y a également Gabriel qui dit c'est quoi basse batterie. Alors c'est quoi JB la basse batterie? Toi tu écris une baisse batterie. Baisse batterie. En fait, à la base le dub. Ouais. Après il y a la dub, le reggae, il y en a plein, mais le dub à la base c'est un basse batterie, c'est-à-dire une basse. Juste un batteur. D'accord. Voilà. Bon, attends, il y a Echo aussi qui dit numéro 1 en Corée du Nord, tu peux pas tester, mais nickel. Ah ouais, non, mais attends, évidemment qu'on est numéro 1 là-bas. Numéro 1 également à Tokyo, paraît-il. Ouais. Ça vient de tomber là. Et oh putain, Sydney aussi vient de tomber. Putain, on est bon. Oh, les kangourous nous écoutent. On est tous. Bon là. Premier sur les kangourous. Ouais. Yeah, ça c'est bon là. Et Honolulu qui vient de tomber également là. Numéro 1, Honolulu. Ouais. Apparemment, et ça c'est bon. Putain, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour les messages. C'est bien, hein, les ouais. Numéro 1 comme ça dans plein de villes. Henri également qui dit avant de me coucher, toujours à 9h30. Mais ça c'était avant grâce à Mickaël. Et puis le prince qui dit caca de chez Pipi. C'est un vrai concept, le parfum préféré des scatos. Ouais. On peut voir ça comme ça, effectivement. Bon, avant de récupérer JB dans quelques minutes, on va encore appeler des gens, puisque je rappelle que nous sommes sur un grand concept. Hein, un très grand concept. Un grand concept, puisque Toff propose de venir aider votre copain, votre copine, votre femme, votre mari, peut-être, à faire le ménage à coup de fouet. Oui. C'est ça, c'est un bien... petit peu de motivation gratuite. Voilà, un peu de motivation gratuite, effectivement. Donc, je propose que nous appelions immédiatement. Allons-y. Bon, allons-y, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On appelle pour voir si c'est possible d'aller que Toff puisse éventuellement aller proposer ses services, bien entendu. Bien sûr. Allez, c'est parti. Et je rappelle qu'il y a toujours la photo des petits cadeaux sextoys qu'on vous offre sur le Twitter. Et Mickaël, officiel, pour nous ajouter. 1h10 du mat, là, qu'est-ce qu'ils foutent? Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis pratiquant de la domination à domicile et je voulais venir vous aider à faire le ménage chez vous. Non. Hein? Ça ira. Mais vous êtes sûr, parce que ça pourrait vous aider, hein? Mon ménage, j'ai fait en temps en heure, donc voilà. Bah oui, bah justement, alors faisons-le encore plus vite. Bah non. Bah si, si je viens avec mon fouet et ma cravache. Ouais, bien sûr, et maintenant dans votre gueule aussi. Enfin, ça ira bien. Bah enfin, madame. Voilà. C'est le dominant, voilà. C'est moi, la dominée, c'est vous, c'est moi qui vous frappe, pas l'inverse. Bah bien sûr, et je vous passe mon mari, on verra ça. D'accord, passez-moi votre mari, on va voir. Voilà. Et en quoi vous m'appelez sur un numéro inconnu et vous me dites des saloperies pareilles? Mais je vous dis pas de saloperies. Je vous dis pas de saloperies. Bah si, venir avec votre fouet et votre cravache, tout ça pour m'aider à faire mon ménage. Je comprends pas quoi. Enfin, vous prenez pour qui à m'appeler comme ça à cette heure-là pour de la merde quoi. Enfin, je sais pas pourquoi vous prenez, mais en tout cas, pour moi vous êtes rien quoi. Donc voilà, sur ce je raccroche et voilà quoi. J'ai rien à vous dire. Et, pour moi, pour faire des trucs comme ça, vous êtes une petite merde, monsieur. Moi, je préférerais parler avec votre mari, hein. Bah attendez. Ouais, vas-y. Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, c'était en communication avec votre femme. Et en fait, voilà, je lui proposais de venir l'aider à faire le ménage. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Et bah moi, je peux vous aider aussi à vous refaire le portrait, si ça vous dit. Bah, je comprends pas, monsieur. C'est-à-dire que moi, je vous propose un service pour vous aider à avoir une maison plus propre et puis vous voulez m'agresser. Non, mais vous avez une manière de faire le ménage assez spéciale, à mon avis, non? Ah non, pas du tout. C'est vous que c'est votre femme qui fera le ménage. Moi, je ne ferai que la motiver. Tu m'as fait à 10h02, tu m'as raconté de la merde quoi, mais t'es vraiment qu'une pauvre merde. Ouais, non, franchement, tu sers à rien quoi. Je dis encore que tu fasses tes trucs dans des clubs ou un truc comme ça, tu fais ce que tu veux. Mais bon, là quand même, t'élargis dans un domaine Ah bah oui, mais bon, vous savez, monsieur, une femme, ça a besoin d'être encadré, hein, sinon ça fait n'importe quoi. Hein. Ouais, mais là c'est ma femme aussi donc. Bah raison de plus, monsieur, hein. Comme ça au moins vous êtes sûr qu'elle fait les choses bien. Ouais, bah on va apprendre ça. J'ai pas besoin de vous pour faire les choses bien, monsieur. Ouais. Non, mais vous allez les faire mieux, vous allez voir. Ouais, bah non, bah venez voir un petit peu ma maison et puis on verra si vous pouvez faire mieux que ça. Eh bah écoutez, on dit 10h demain? Ouais, y a pas de soucis, ouais. Pas de soucis, eh bah écoutez, à demain alors. Vous passez quand vous voulez, hein. Eh bah allez. Très bien. Une bonne soirée. Bonne soirée, connard. Eh ben bonne soirée connard. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait encore hein. Eh oui, encore tu un qui m'aime. Tu vas pouvoir refaire ta vie là. Oh oui, nouveau travail. Oui, nouveau travail. Il y a Megumi qui dit vous écoute aussi dans la zone industrielle au fin fond de l'Alaska. Ah oui, paraît-il. Merci Megumi de nous le préciser. Et puis Lucas qui dit super l'émission là, ça fait bien passer le temps. Et enfin Dolly Pran qui dit caca de chipipi, j'achète. Eh ben tant mieux, on essaiera de mettre très bientôt chez Sephora hein. De mettre ça en vente le plus rapidement possible, bien évidemment. Bon, JB. Yes, voilà. Tu sais qu'il y a encore des messages. On a filé la Xbox One, t'as entendu là, à Eva à l'instant. Ouais, moi je pensais que c'était un billet. Ouais, j'ai entendu. Ouais. Voilà. Et il y a quand même encore un mec parce que j'ai mis sur le Facebook la photo de la Xbox en félicitant Eva qu'elle a gagné, etc. Et qu'il y en aura une troisième console à gagner demain. Et il y a encore un mec comme Calvin qui dit ouais, de toute façon on gagne jamais. Mais si. Eh ben tu diras ça à Eva. Hein, oh là là là. Qu'elle gagne jamais alors qu'elle vient de gagner justement. Ah, en tout cas merci. C'est des Eva. Jaloux. Mais oui, c'est des jaloux. Eva qui avait mis un message d'ailleurs, c'est une dinguerie, vous déchirez, vous êtes les meilleurs. À quand une partie en réseau Call of Michael? Comment te dire, Eva, qui est très mignonne, Polo, qui a certainement été voir, Eva, non? Pas encore? Non. Ah bah. T'es mec comme un clébard, non? Ah oui, mais où ça? Attends une seconde, elle est où? Attends une seconde, on fait nos courses en même temps. Ah ouais. Ah oui, voilà. Ouais, Eva, Polo, @funradio.fr. Voilà, il viendra manger des cannelés. Ah bah oui. Hein, il ira manger des cannelés avec plaisir. Ah oui. Bon, JB, alors, yeah. toi tu cherches juste quelqu'un pour faire un groupe. Là en fait je cherche aussi sinon un percussionniste éventuellement. Quelqu'un qui est motivé. Je préfère quelqu'un qui joue pas forcément de la basse ou de la batterie, mais qui a la motivation de faire quelque chose de sérieux. Voilà. D'accord, ok. Donc qui a la motivation de faire quelque chose de sérieux, donc qui va démarrer, qui va pas rester pendant 1000 ans, qui va pas rester 2 jours, pardon. D'accord. Et qui viendra pas au répète, voilà, tu vois. Ouais, je comprends, ouais, ok, d'accord. Ah bah écoute, nous on peut démarrer, hein. Mais il a quoi comme guitare là? T'as quoi? Ouais. Tu peux faire un petit essai là? Là, je suis dans la rue, donc je suis avec ma sèche, t'as vu? Ah d'accord, ok. Bah vas-y, tu peux faire une petite chanson là, t'as vu? Bah vas-y, j'écris un petit truc, je vous l'envoie. Vas-y, t'as vu? Ouais. Alors vas-y, t'as vu? T'as vu? Bah vas-y, vas-y. Tout d'abord, merci au standard, c'est bien cool les mâles. Oh putain, mal. Oh, il manquait plus que ça là. Quand les autres moniteurs se succèdent, sur cette radio, c'est mieux qu'ils remèdent. Oh, nickel, oh, ta mère s'en met, je te conseille, et opérationnel, et à vos mises. La comité merveille. Pistolet de botte. Là, je vais en profiter pour sortir un petit son comme ça, un petit texte écrit pour éliminer le désarroi quand la bouteille de sol que de bon son résonne. Envoie des mails à l'appel, t'inquiète, l'équipe fonctionne. Pour passer un bon moment, c'est plus fun que ça. Attends, je te... oh, il est dedans, il est dedans. Allez, attends, je te mets une pièce. La flambeur, désolé, mais je fisse les faces. Oh, on voit ses sang, rugissait, oui. Ah, avancer sans reculer, non dépenser sans se ruiner, oui. Et moi, ce sang, aimer sans se faire détester. Progresser sans régresser, oui. Avancer sans mais reculer, non dépenser sans se ruiner, oui. Aimer sans se faire détester. Man, ne pas faire on va l'arrêter, je pense, hein. Dès qu'il fait encore un break, on l'applaudit. Dès qu'il fait encore un petit peu de pause, on l'applaudit pour qu'on l'arrête, hein. Si on va, on va y passer à lui, là. Comment fais-tu pour ne pas te lasser plus con que toi de n'importe quoi, ça ne fait pas rien de t'écouter. Eh ben ouais, ouais, pas mal. Bravo. Eh ben voilà, live and direct de Clermont-Ferrand. Oh yo. Eh ben c'est très bien, JB, pas mal. Bon, du coup, est-ce qu'on doit te joindre si on veut faire partie de l'aventure là? Bah vas-y, donne mon Facebook, c'est J-I-B-E espace Kaman. J-B, ouais, espace quoi? Accent aigu, espace Kaman. S-K-A-M-A-N. Ah, Skaman, d'accord, ah bah oui, forcément. Eh bah très bien, bah JB, le message est passé, hein. J'espère que tu trouveras des gens, hein. Ben, comme dirait Inch'Allah. Ouais. Eh ben oui, exactement. Eh ben salut JB, merci pour la chance. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, et merci à Sandra aussi. Et Oman aussi, je sais pas son blaze, mais le premier man que j'ai au standard, il était bien. Ah, c'est Dexter. Eh ben big up à Dexter, et big up à Sandra aussi. Pas de problème, de toute façon. Et Sandra qu'elle peut m'appeler si elle veut. Eh ben je te la repasse, elle kiffe les mecs qui jouent de la guitare sèche. Je te la repasse, JB. Je peux apprendre si elle veut. Et pas de problème. Venez à Clermont-Ferrand, là, sinon ça va chier. Moi, je débarque, c'est où, là? Non, mais t'inquiète, attends. Studio, non, mais on va passer. Et moi, je pose l'ampli, et moi, vous nique votre radio, hein. JB. Ouais. Quand on passera, tu viendras jouer en direct. Ouais, et on adore le Cantal. Voilà. Non, mais je suis pas dans le Cantal, qu'est-ce que tu racontes, Bon, salut, JB, passe une bonne soirée. Allez, big up à toute l'équipe, mais merci à vous. Yes. Oui, il y a une miss qui veut m'héberger, elle demande mon numéro à Sandra. Voilà. Avec plaisir, bah moi je suis pas sûr que ça cartonne, mais bon, on va voir, JB. Bah, est-ce que je te repasse Sandra au standard? Il y a Anthony aussi qui est avec nous, là, Anthony de l'Isère. Salut, Anthony. Ouais. Yo, yo. Comment ça va l'équipe? En forme? Ah bah, dis donc, reste calme quand même, il vient d'arriver. Ah bah oui. Non, mais alors. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Anthony? Bah écoute, moi là, j'ai eu un petit souci, en fait, c'était à mes 18 ans. Ouais. Il y a mes potes, et bien, ils m'ont fait goûter, en fait, un gâteau, et je savais pas, mais dedans, en fait, tu vois, ils avaient mis un petit peu de la merde, et j'ai l'impression, en fait, d'avoir bien aimé ça. Non, t'es sérieux, là? Oh, mais t'es crado, mec. Ouais, mais attends, qu'est-ce que t'appelles de la merde? Bah, de la chaife. Mais... Attends, c'est-à-dire qu'ils ont fait un gâteau de caca? Voilà. Et t'as aimé? Je suis bien parce que oui. Ouais. En fait, parce que je voulais savoir à quel moment en fait les potes allaient arriver derrière en disant oh, on va les battre. Oh, Fario, bonjour. Rick. Tu vois. Voilà, donc non, parce que c'est improbable quand même d'aimer ça, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, en fait tout ça, en fait surtout que fait peur. Mais comment? Mais il y a des mecs qui aiment ça, hein. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a des vidéos scatophiles partout sur internet. C'est pour ça, justement, hein. Maintenant, bah, je me pose des questions, quoi. C'est pour je ça. Reste sans voix. Mais est-ce que tu aimes te faire chier dessus pendant que tu fais l'amour? Oh putain, dégueulasse. C'est comme caca de chez Pipi. Ah oui, non, mais ça, après, c'est un parfum, c'est encore différent, hein, le caca de chez Pipi, hein. C'est pas pareil. Bon. Ah bah, après, pour un peu, il va peut-être plaire celui-là. Hein. Oui, peut-être. Bah, va savoir, oui. Mais on verra, je vais le mettre en tête de gondole. Oh, génial. Super. Magnifique. Bon, et du coup, tu as déjà regoûté cette dégueulasserie? Bah, en fait, j'ai voulu essayer, mais en fait, j'ai pas osé, donc... Ah ouais, t'as pas osé, bah tu m'étonnes. Bah ouais, mais en fait, c'est pour ça, en fait, je trouve ça bizarre d'avoir aimé une fois et de pas oser après derrière regoûter, quoi. Ouais, bah évidemment. Bon, écoute, on va en parler, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de réactions par rapport à ça, hein, j'espère, ouais, en tout cas, au final. Il y a Sylvain qui dit, bah, le gros bad, aimer de la merde, bah oui, je suis le sado. C'est assez dégueulasse. Bon, bah écoute, on en parle dans quelques minutes. Hein. Anthony, tu restes là? Pas de soucis. Bon bah bouge pas. Et puis hier on en parlait là des Bordelais qui ont volé le lama. Et ce matin, eh bien en lisant les infos, je suis tombé sur un mec bourré qui a escaladé un échafaudage devant une boutique Orange. Et comme il était bourré, bah il est tombé dans la boutique. Voilà, pratique quand même. Hein. Donc il est tombé dans la boutique et quand les secours sont arrivés, il ne se souvenait absolument de rien. Donc si vous aussi vous avez déjà fait, vous avez déjà vécu des situations incroyables quand vous étiez complètement bourrasse, venez nous en parler maintenant. Appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0, bourré, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme connerie? Voilà, on en parle? En plein, son rôle peut raconter l'appel. Oh là là, oui, t'inquiète pas, on en parle. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 pour la Belgique et le son d'Ellie Goulding, qu'on écoute maintenant au cœur de la nuit sans pub, c'est Burn. Oui. L'appel et les Goulding à l'instant sur Fun, c'était Burn. Bienvenue si vous voulez débarquer, c'est Mickaël No Limit. Tous les soirs on est en direct avec vous de 23h à 2h du mat. Il n'y a pas de pub la nuit en plus sur Fun, donc là on est à la cool jusqu'à 2h du mat tranquillement, pépère. Et tous les dimanches également de 20h à minuit avec Christophe qui a envoyé son message. Je ne dirai qu'une chose, chacun sa merde. Vous êtes un imbécile. Oui, effectivement, Christophe. Stéphanie qui dit aimer Toff, c'est aimer la merde aussi, lol. Oui, c'est un peu ça également. Ouais. Et Mallory également, j'ai envie de vomir rien que d'y penser. Il y a Loquette qui dit aussi, c'est quoi ce type, il aime bouffer de la merde. Oui, c'est assez improbable. Megumi qui dit ça, c'est un space cake. Oui, clairement. Et Julien, un gâteau qui fait à base de merde, le gars il kiffe, c'est aussi improbable. Et Doliprane qui dit, moi étant bourré, j'ai fait la fête sur le rond-point devant la gendarmerie où mon père travaille. Ah, pas mal. C'est bon ça. C'est pas mal. Bon, ben venez nous dire hein, si, comme Anthony, même si je pense et j'espère que vous n'êtes pas comme ça, vous aimez comme lui, il a mangé un jour par accident un gâteau avec ses potes qui avaient fait une vanne en mettant du caca dedans et il a aimé, ce qui est quand même assez improbable. Et dites-nous ce que vous avez déjà fait en étant bourrasse. Nathalie avec nous, bonsoir Nat. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Nathalie, 30 ans de Paris, comment vas-tu? Bien. Bon, eh ben j'ai envie de te dire tant mieux Nathalie, sois la bienvenue. Combien mesure Nathalie? 1m70. Combien pèse Nathalie? 50 kilos. Quel est le tour de poitrine de Nathalie? 95 C. Et la taille du dernier pantalon que Nathalie a acheté? 34. Ah, on dirait pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Connard. Eh oui, effectivement Nathalie. Sois la bienvenue. Nathalie, on a perdu Nathalie. Allô? Nathalie? Oui, oui, je suis. Tu es toujours avec nous? Oui, oui, je suis toujours là. Parfait. Bon, Nathalie. On était inquiet. Bah oui, oui, on était un peu inquiet, ouais. Bon, tu nous avais appelé parce que tu as déjà fait des conneries en étant bourrasse. Oui, oui. Alors, vas-y. Ouais, j'aime bien le. Ouf, oui, oui. Oh là là. Oui. Genre, il y en a eu beaucoup. Bon, eh bien, nous sommes toutes oui. On t'écoute. Ben, moi, quand j'étais bourrée, c'était à une soirée. Oui. Un anniversaire, j'étais bourrée. Et puis, je suis sorti avec le meilleur ami de mon frère. Pas mal! Qu'est-ce qu'il a dit le frère après? Ah, il était content. Oui, oui. Non, mais très bien. Il l'a félicité. Oui, c'est ça, bravo, c'est bien ma soeur, bravo. C'est bien, bravo. C'est non, très très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Ah, il a rien dit? Non. Bon bah ok. Non mais s'il a rien dit, bah non mais c'est parfait, hein, s'il a rien dit, c'est génial. Mais et du coup, t'as eu des trucs un peu plus fun qui se sont passés? Oui. Comme T'es sûr qu'on ne te dérange pas là Nathalie hein? Non, non, vous me dérangez. Sinon on te rappelle plus tard. Mais non mais c'est pour être sûr, sinon ouais on te rappelle ou quoi, il n'y a aucun souci. Non, hein. Vous ne me dérangez pas. Ah non mais d'accord, ok. Non mais très bien, c'était pour être sûr. Bon non, et donc non, du coup alors, pas. Quoi d'autre comme truc un peu plus fun? Et après je suis sortie avec mon voisin. Ton beau voisin? Oui, oui parce que donc tu as le vrai voisin et tu as le beau voisin, c'est le voisin qui emménage dans l'appartement mais après. Oui voilà. D'accord, donc le beau voisin, ouais. Et alors? Et alors on a couché ensemble. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Carrément, mais il y avait une explication, une logique, quelque chose, un moment ou un autre, non? Rien? Non. D'accord. Mais il s'est passé des trucs un peu plus fun quand même ou pas? Non. J'ai mangé une tarte aux pommes. Parce que si tu veux par exemple, moi ce qui m'est arrivé un jour où j'avais été bon c'est il y a des années hein, déjà, oh là là. Ah oui, il était jeune et insouciant. Il y a des années, mais oui. Donc effectivement, j'étais dans une boîte, c'est la première fois que que j'avais picolé. Et donc, du coup, on m'avait balancé des. Ah, j'ai fait l'amour dans une voiture. Voilà. Ça, donc, tu t'en branles en fait de ce que je raconte. En fait, c'est ça. Non, je m'en branle pas, je vous écoute. Hein. Ah, non, mais c'était pour être sûr. Moi, j'aime bien vous écouter. Voilà, d'accord. Et donc, du coup, on m'avait servi des vodka Caribul assez violents. Et bah, à un moment, je me suis retrouvé complètement bourras. Que Mickaël a bu à la paille, il faut le préciser. Ouais, que j'avais bu à la paille, mais c'était un pari à la con. Ne le refaites pas, c'est idiot. Et donc, du coup, je me suis à un moment installé sur un podium parce que j'arrivais plus à tenir debout où il y avait des travestis, on peut le dire, hein. Tableau derrière qui dansait. Oh, les mecs. C'était une horreur. Et puis à un moment, bah je sors et vous savez, donc c'était à Bruxelles et en fait en Belgique, pour ceux qui connaissent pas, il y a les portiers dans les sorties de boîte où qui tendent la main pour avoir une pièce. Ouais. Et si tu leur mets pas une pièce, ils te mettent une patate. Enfin, normalement pas, mais ils disons insistent. Que ça peut arriver. Ils insistent lourdement et donc en fait, le mec, il a tendu la main, moi je suis sorti, je lui ai gerbé dessus. Voilà. tout ça avec classe. Tout ça avec grande classe bien sûr et donc du coup, je pense que le mec a voulu me péter la gueule. Hein, On a été obligé de nettoyer. Ouais, bah exactement, on a été obligé. Enfin, pas moi, parce que moi je pouvais plus. Mais voilà, donc c'était très beau, très compliqué. Donc le gerbage était pas mal sur ma tête. Il faut raconter aussi l'arrivée chez Mickaël, hein, où donc il y avait une marche qui devait être genre à 40 cm du sol, même pas. Fou, jamais de la vie. Elle devait faire même pas, enfin, même pas. C'est une bête marche à la con, quoi. Bon, allez, une bête. Marche d'escalier, quoi. Ça fait jamais 40 cm. Un peu en disant 40 cm, c'est ça. Bah oui, elle était un peu haute, quand même. Mais t'es ouf. Il y avait une marche d'escalier, même pas. 20, même pas. L'autre en train de dealer. T'sais, non, tu rentres. Vas-y, tu la prends. Mets-moi 15 cm, c'est bon. On s'en fout. Moi, je voulais t'arranger pour te dire qu'elle était un peu haute. Mais tant pis, tu veux dire qu'elle était basse. Elle était basse. Elle était basse, oui. Je me souviens encore de ce moment. Et donc, on arrive là. Et là, je vois Mickaël qui attrape les deux bords de la porte. Qui regarde la marche, fait non, c'est trop. Ouais. Puis après, il se lance quand même, il met un premier prié sur la marche. Ouais, c'était dur. Ouais. Et là, on est resté au moins 5 minutes sans bouger. Mais c'était. Il a longuement réfléchi, il a longuement hésité, puis là, il s'est lancé. Et il a mis son deuxième pied sur la marche. Et c'était beau, c'était difficile. Mais heureusement, nous étions une équipe de professionnels. J'étais attaché par un harnais, donc je ne risquais rien à ce niveau-là. J'étais tranquille. Il y a Megumi qui dit: moi, j'ai eu le même trip que Pierre Palma dans les tambourés. Je me suis dit la fête est nulle. Je rentre chez moi, sauf que j'étais chez moi. Ah, il est pas mal ça, Megumi. Le Montpellierin qui dit: message de bienvenue pour ma chérie qui vous écoute depuis ce soir. Et ben, on embrasse ta chérie avec grand plaisir. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, ça c'est pour toi, pas pour ta copine, bien entendu, le Montpellierin. Julien qui dit: moi, la dernière fois que j'ai bu, j'ai fini dans le milieu de mon jardin avec ma PS3. J'étais trop deg, il flottait et maintenant elle est morte. Ah ben dommage. Let's be free, c'est également qui dit: bourré, j'ai un pote qui voulait sauter du balcon, je lui ai tapé dans les couilles, il a fini à l'hôpital. Ah oui, parce que nous on a le pote d'un pote qui a voulu faire le con également. Il a sauté du deuxième. Deux ou troisième C'était du troisième étage. Ouais, du troisième étage. Il a sauté les deux bras devant et paf, en les plâtre. Il a eu de la chance, hein, parce que pour le coup, troisième étage, pas mal. Il faut expliquer qu'il voulait quand même sauter dans l'immeuble d'en face. Oui, c'est ça. Il voulait sauter dans l'immeuble d'en face et il a raté. De sa fenêtre sur l'immeuble d'en face. Voilà. Bien entendu. Voilà. Donc ne résultat, le les deux bras dans le plâtre. Hein. Et il a eu de la chance, il parce que le troisième étage, il n'a que ça. C'est énorme. Ouais. Moi, je me rappelle à Ibiza, j'ai une copine, en fait, elle a gerbé au Pacha Club. Ouais. Alors qu'il y avait la fille jusqu'au milieu d'Ibiza. Et Guetta est en train de mixer, elle a gerbé sur un fauteuil. Et je vous dirai pas le nom de la personne. Ouais, c'est vrai crado, c'est une vraie crado. Est-ce qu'on bosse avec elle? Ouais. Ah d'accord, ok. Bon, on taira son nom alors. Ah, c'est Karima? Non. Elle est dans cette équipe. Il y a Maeva qui dit: la première fois que j'étais bourré, j'ai vomi sur mon frère, classe. Et la dernière fois que j'étais bourré, j'ai embrassé le pote de mon frère et mon frère m'a insulté de salope et de putain. Ah, c'est sympa ça. La prochaine fois que t'embrasses des gens, Maeva, tu me dis, hein, nous on passe. Elliot également: Mickaël, pour ma première cuite, j'ai presque fini dans un coma éthylique et c'était devant mon père. Ah, mais bien classe aussi ça. Ulysse, ma demi-sœur, quand elle est bourrée, elle s'enroule avec sa couverture et elle dit que c'est un cocon qui va éclore et qu'elle va se transformer en papillon en passant. Dédicace à Théo, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire du crabe? Oui, on va la raconter. Alors attendez, d'abord, je vais d'abord accueillir Antoine avec nous là. Salut Antoine. Ouais, salut l'équipe. Comment ça va? Salut. Bah écoute, ça va pas mal et vous? Bon, écoute, on va plutôt bien. On va se mettre la Swedish House Mafia. On l'avait demandé sur le Twitter tout à l'heure avec Antidote. Je vais la mettre, hein. C'est celle-là. Hein. Voilà. Elle va arriver dans quelques minutes. Tu la connais celle-là ou pas, Antoine? Je la connais, tout le monde la connaît. Ah ben oui, évidemment. Ben, on va la mettre dans quelques minutes. Bon, alors c'est quoi ton histoire, toi, Antoine, de mec bourré? Bah en fait, ouais, ça s'est passé il y a 3 ou 4 mois par là. Ouais. On était en boîte, on est sorti en boîte et puis bon, on avait pas mal canonné. Et puis bah au moment de partir déjà, j'ai déjà commencé par dégueuler dans la fontaine. J'étais en face de la boîte. D'accord. Impeccable. Et puis après on reprend, bah, on avait démarré la voiture et qu'est-ce que je trouve l'idée de faire? Bah, je suis monté sur le toit et j'ai fait les 25 km du retour sur le toit de la voiture. Oh, classe. 25 km sur le toit, mais quoi, couché ou t'as fait comment? Ah ouais, ouais, non, j'étais sur le ventre et je me tenais à l'antenne. À l'antenne. C'est ouais, le truc le plus fragile de la voiture. Non. Ouais, bah je sais bien. Bah ouais, mais ces enfoirés, moi j'essayais de mettre les mains dans les portes, là, vers les vitres, et puis ils me fermaient les fenêtres sur les mains. Oh là là là. Et est-ce que du coup ils captaient, c'est ça le plus important là. Ah, ils captaient ou pas la radio quand tu t'accroches à l'antenne? Ah, j'en sais rien. Ah, à mon avis, ça, je peux pas te dire. À mon avis, ils devaient entendre ça là, un truc bien dégueulasse là. Ouais, ça se pourrait bien, ouais. Non mais ça capte moins bien évidemment quand ouais. tu t'accroches à l'antenne hein. Non mais t'as eu de la ouais, chance de ouf parce que c'est quand même preuve, t'aurais pu pour le même prix voler, enfin mourir ou ce que tu veux quoi. Ouais, mec, non mais c'est bien mais quoi. Oh, attends, et Roger il est sur le toit, on va freiner un coup sec. Wouh ouais. Il vole. Ah, regarde Roger il vole. Ah mais bon, Roger s'est écrasé, c'est dommage. C'est ouais, incroyable. Ouais, quand on en parle maintenant, on se dit faut être inconscient quoi. Ah ouais, sur le moment même, c'est rigolo, mais c'est clair. Ah, il y a ouais. Lucas qui dit la dernière fois que j'ai bu, je me suis endormi sur le capot d'une voiture, je me suis réveillé à 12h avec un coup de soleil sur la joue. Ah bah ça ah, va, c'est bon ça. C'est encore le meilleur truc qui t'arrive. Sympa. Et Stéphanini, mon ex bourré, avait une nouille et un grain de riz, faire la course et m'engueuler parce que je le voyais pas. C'est un peu normal, mais rigole pas toi. C'est quoi l'histoire du crabe, du crabe? Et bah donc on avait fait une soirée dans une boîte à Paris où il y avait toute l'équipe et le lendemain on devait partir je sais plus où, à Lyon je crois, parce qu'on faisait une déloc là-bas. Et donc on a tous bien picolé à cette soirée et juste en sortie de boîte on allait prendre le train pour partir là-bas et on avait l'hôtel tôt le matin là-bas. Et donc dans le train nous avions Sandro. Ah, je croyais qu'on disait pas son nom mais. Ah pardon, bah c'est trop tard. Et donc on monte dans le train et là Sandro nous dit je suis un crabe. Et Sandro marche en crabe et elle fait les pinces avec ses mains. Ouais. Il faut expliquer qu'on est dans un TGV bondé où il doit. Donc c'est-à-dire il n'y a pas une place de libre et donc elle est là. On n'a pas dormi et elle est là au milieu de l'allée et elle fait le crabe et elle va d'un bout à l'autre. Elle nous posait plein de questions. Non mais je suis un crabe. Je peux pas répondre, je suis un crabe avec les pinces et tout. Complètement barré. Ouais. Vous voyez, boire c'est mal. Ah, c'est très très mal. C'est très mal. Ça fait du mal après. Je crois que tous les gens dans cette voiture nous ont détestés. Tu m'étonnes. Bon et attends, il y a également Pascal avec nous. Salut Pascal. Salut les filles. Ça va bien? Ça va, tranquille. Bon, t'appelles Perpignan. Oh, disons, t'avais plutôt un accent du Nord. Bienvenue à Perpignan. Ah, t'avais plutôt un accent du Nord, moi. J'ai compris. Allô, Pascal. Allô. Pascal. Oui, Nathalie. Oui, t'inquiète pas, tu es là, tout va bien. Oui, je voulais demander, il avait toi Perpignan. Est-ce vraiment intéressant, Nathalie, sachant que t'habites à Paris, toi? Non, oui, ça m'intéresse. T'as bon, Pascal. Oui. Et tu habites où à Perpignan? À Perpignan même, voilà, du boulevard Clémenceau. Voilà. Boulevard Clémenceau. Quel numéro, on peut avoir le digicode ou pas? Parce qu'on va débarquer nous ce soir pour dormir. Bon Pascal, c'est quoi que t'as fait en étant bourré toi? Ah ben j'ai piqué une voiture de flic, je suis rentré à la maison, je suis allé en garde à vue. Non. Putain, là, ça c'est énorme. Là, ça c'est bon. Là on a un champion du monde. Ah ouais, putain, putain. Grand classe. Parce que devant la discothèque, on était bourré comme des coins, et devant la discothèque, il y avait une voiture de flic avec les clés dessus, tu sais. Ouais, t'as mis le gyrophare pour rentrer ou pas? Et j'avais 15 km à faire et comme ma voiture à moi je la trouvais pas, donc mes potes, j'ai dit à mes potes, je prends la voiture de flic. Ah bah oui, mais t'es un abruti. J'ai dit mais non, il y a une voiture, elle est là, on la prend. Et je suis allé à la boulangerie chercher des pains au chocolat avec le gyrophare. Mais toi t'es un prêt avec le gyrophare et tout. Et du coup t'as fini en GAV, mais qu'est-ce qu'ils ont bien fait? Bien sûr, en place centre-ville de Perpignan, ben, j'étais en garde à vue pour vol de véhicules appartenant à l'État, infraction. J'arrive en plein centre-ville pour aller chercher des pains au chocolat, voilà quoi. Et t'as eu une grosse amende pour ça ou pas? Ben je suis passé au tribunal et j'ai eu quand même 750€ d'amende. Ah, oh, j'aurais cru plus encore. Hein. Ça ouais, va pour un vol de voiture, ça va? Bah des keufs en mais plus. Mais non, vol de voiture qui appartient à l'État. Ouais, mais, plus, ouais mais à côté de ça, t'aurais pu dire aussi, ouais mais écoutez monsieur l'agent, je suis désolé, enfin monsieur le juge, c'est la voiture de l'État donc c'est un peu la mienne aussi. C'est ça? J'ai contribué à son achat. Attends, moi, quand le juge, il m'a dit, monsieur, bon, je te donne pas mon nom, hein, je dis, voilà, monsieur, mais pourquoi une voiture de police? Je dis, écoutez, la mienne, je ne l'ai pas trouvée, celle-là, elle était devant, il y avait l'écrit dessus, je l'ai pris. Ah, oui, à la limite, presque les flics, ils ont eu un blâme. Ouais mais bah oui mais ils doivent pas laisser les clés sur la voiture, c'est normal. Ouais, j'imagine la tête des keufs quand ils ont dû voir que leur bagnole était plus là. Ouais c'est clair. Oh Roger on a piqué la voiture. Roger on s'est garé où? N'importe quoi. C'est les aléas quoi. Et j'ai eu un peu de sursis quand même hein. Ah oui, quand ah même. Ouais, ouais. Putain, ouais. Bah oui, non, mais c'est normal. Attends, le mec, il était bourré, il a roulé bourré, il a piqué une caisse. Ah ouais, c'est et la caisse de la police. Ouais, mais je suis quand même rentré chez moi, j'ai garé la voiture devant chez moi. Et normal. À 6h du matin, ils sont venus me frapper à la porte. Il y a Cyril aussi qui dit un ami s'est fait embrasser par une fille qui était bourrée et la fille lui a gerbé dans la bouche. Ouah, ah, dégueulasse. Ouais, ça c'est gore. Hein. Ah ouais, il y a Fafan aussi sur le Twitter. Je me suis endormi bourré sur la plage à La Réunion. Je suis ressorti rouge, brûlure de deuxième degré, une face blanche et rouge. Oh putain, ça c'est chaud aussi. Et Cyril, un ami s'est fait embrasser par une fille qui était... Ah oui, ça je viens de le dire. Autant pour moi, on l'a eu deux fois, c'est pour ça. Et Stéphanie qui dit bourré, j'ai fini dans une... piscine privée, c'est une vieille qui m'a viré, j'ai fini sur le parking de la boîte en sous-vêtements, et alors Doliprane, Sandro le crabe, mort de rire, et Papa Scandi qui dit, Mickaël, une fois bourré avec un pote, lors des fêtes à Dax, on a mis un pote à nous qui était plein sur un fauteuil gonflable sur un lac. Ah ouais, bah, bravo, hein, bravo, sur le lac, après il s'est retourné, j'imagine, évidemment, c'est pas drôle. Et alors, moi... Hey, Mika, ouais. Une question, ouais. Ça peut être que vous venez à Perpignan. Eh bah écoute, je sais pas, mais ça va venir, hein, ça va venir. Apparemment, on a l'air de bien se marrer à Perpignan. Hein. Ah, à Perpignan, on se marre, et puis je t'emmènerai dans les bonnes boîtes. Hein. Bah, dis-moi, t'es encore en sursis là ou pas? Non, c'est fini, là, ça y est. Alors, si on va vient, vous amener à la Luna. Non, mais si on vient, tu nous piques une voiture de flic là pour la soirée? Et tu nous fais un tour avec le gyrophare et tout? Il n'y a pas de soucis, pas de problème. Parfait, très bien. Bon, bah merci Pascal en tout cas d'être passé. Hein. Allez, ben bisous à tout le monde et bonne soirée. Salut Pascal, merci. Gros bisous Nathalie également, merci beaucoup d'être passé. Je t'embrasse. Je peux faire une dédicace. Vas-y, il y a une personne, hein, profite et choisis la bonne. Ah merde, j'ai plus la musique parce que ça marche le plus cassé. Ah. Vas-y. Je vais faire une dédicace à mon copain. Très bien. Qui habite à Perpignan. Ah, c'est pour ça que tu connaissais Perpignan. Je connais Perpignan. Très bien. Oui, je connais Perpignan très bien. Eh ben, il n'y a pas de problème Nathalie, je te fais des bisous, à bientôt. À bientôt. Salut, on aura Stéphanie dans quelques minutes. Et vous aussi, hein, venez nous parler. Si vous avez déjà été bourré, vous avez déjà fait des conneries, venez nous le dire. 01 42 48 5000 02 851 4x0. On va faire d'autres appels avec Toff aussi dans quelques minutes. Allons-y. Eh bah, très bien, juste après le son de la Swedish House Mafia. C'est Antidote qu'on écoute maintenant sur Fun. Ça avait été demandé tout à l'heure sur le Twitter. C'est parti, 1h40. Bienvenue si vous venez de débarquer. C'est Mickaël No Limit. On est là en mode à la cool, sans pub jusqu'à 2h. Voilà, vous l'aviez demandé, le son de la Swedish House Mafia sur Fun Radio, c'était Antidote, il est 1h43, on est toujours en direct sur Fun, avec évidemment tous vos messages en direct, avec les appels de Toff, et puis on va dans quelques minutes reparler de ce que vous avez déjà fait comme connerie en étant bourré. Donc appelez-nous les garçons, les filles, 01 42 48 5000 02 851 4x0, d'ailleurs quelques messages sont arrivés. Il y a Baudard qui dit je fais une grosse dédicace à mon grand frère Memphis et mon pote Babas, voilà, qui écoute Fun en ce moment. Ben, on les embrasse et merci d'être là. Une fouine qui dit un pote à mon père s'est fait arrêter et ils lui ont dit qu'il tenait pas debout et il a dit qu'ils s'en foutaient, il conduisait assis. C'est genre je conduis pas debout donc il n'y a pas de problème. Moi complètement bourré, j'ai squatté la voiture d'un inconnu garé sur un parking, c'est Anthony. Alexandre également qui dit moi mon meilleur ami m'a porté en boîte complètement défoncé sur la piste, il a trébuché et maintenant il doit se faire opérer des ligaments. Ah ouais, c'est pas de bol ça. Et Mallory qui dit moi j'ai vomi dans les bottes de ma meilleure amie, j'ai arrêté de boire depuis. Et enfin Alicia, ma première cuite, je partais pour rentrer chez moi, mais HS, voilà, je me suis écroulé par terre et le matin je me suis réveillé en cellule de dégrisement. J'avais plus de pantalon, plus de chaussures, on m'a tout pouillé, c'est vide merde Alicia, bah tu m'étonnes. Et mon pote bourré également a confondu le maire avec son pote, il lui a baissé le froc et a vomi dedans, résultat 300€ d'amende. Ah oui putain c'est bon ça. Ah vous êtes grave hein. Ah ouais, plus encore 3 mois de travaux d'intérêt général. Pas mal. Bon, avant de récupérer Stéphanie et Antoine, vous êtes là tous les deux? Ouais toujours. Très bien, on va faire encore un petit appel avec Toff là. Allons-y. Allez, c'est parti. Petit appel encore pour Toff propose ses services hein, donc pour que vous soyez meilleur en faisant le ménage. Exactement, c'est pour rendre service. Ouais, c'est pour rendre service, c'est ça. Donc on appelle maintenant, c'est parti. Merci pour les numéros que vous avez envoyés. Continuez encore, hein. On va peut-être encore faire 2-3 appels ce soir. Avant 2h du mat, vous envoyez les numéros de téléphone à Toff, toph@funradio.fr. Allez. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, domination à domicile. Oui, avant. Elle est bien cette blague. Domination à domicile, bien vu. Allez, bonne soirée. Mais c'est pas une blague, monsieur. Ah oui, mais c'est pas une blague, mais par contre, il est pas très gentil. Non, on le rappelle. C'est parti. Retour chez ce monsieur très agréable. Ah, par contre, tu vas pas commencer à me saouler. Mais je vous saoule pas, monsieur, j'ai même pas le temps de vous expliquer pourquoi je oh vous bah appelle. Oui, oh bah oui, oh bah non, allez, bonne soirée, mais je rappelle pas, je te jure. Il a dit quoi? Bon, il faut savoir que Oui, eux ne nous entendent pas quand on parle, hein, heureusement d'ailleurs. Bon, oui, très très, très, très bien d'ailleurs. On rappelle. Mais très belle imitation, effectivement. Ouais. Allez. Bah alors? Oh, il veut plus décrocher. Bah non, il dirait. Oh le relou! Bonjour. Merde. Oh putain, dommage, répondeur. Oh putain, déception totale là, déception. Totale, tant pis. Bon, allez, on parlait tout à l'heure avec Antoine de ce qu'il avait déjà fait comme connerie en étant bourré. On a également Stéphanie avec nous là, 30 ans. Salut Steph. Bonsoir. Ça va bien Stéphanie? Ça va et vous? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal, Stéphanie, tranquillement. Bon Steph, alors qu'est-ce que t'as déjà fait comme connerie en étant bourrasse toi? Bah j'ai un peu honte en fait. T'as honte? Pourquoi? T'as fait quoi? Bah en fait, pour mes 25 ans, je suis sortie en boîte avec une pote. Ouais. Et je suis rentrée dans un état pas possible. D'accord. Et en fait, je suis arrivée devant le Digicode et je lui ai parlé. À qui? Au Digicode? Oui. Amy, c'est ouvre-toi. Ouvre-toi, s'il te plaît. Je lui ai dit, Digicode, tu me reconnais? Ouvre-moi la porte. Mais tu l'as pris pour Siri sur les iPhones, là? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Mais ma pote qui était obligée de faire le code, ouais. J'arrive à ma porte et je lui dis putain je comprends pas, ils ont changé la serrure de côté. Elle me dit non c'est toi qui es pas du bon côté. C'est genre ils ont mis avec quelle bande de connards, ils l'ont mis dans l'autre sens, dis donc la serrure là, t'imagines un peu. Quel scandale! Quel scandale! C'est vraiment honteux! C'est honteux! Mais dans le même genre, moi j'ai l'histoire d'un pote, donc on part en soirée et tout, et donc on rentre. Et je lui laisse la porte, tu vois, contre pour qu'il puisse rentrer, ouais. Parce que lui, il était pas rentré avec nous. Ouais, ouais. Et donc le mec, il rentre, il sonne, ouais. il sonne, je vais à la fenêtre, je lui dis la porte est ouverte. Il sonne, et donc je descends lui ouvrir la porte, et donc tu sais, je lui montre que la porte est ouverte, quoi. Je suis une patate, moi. Ah ouais, non. Et donc le mec il a sonné genre pendant 15 minutes devant une porte ouverte. Mais qu'est-ce qu'il est con alors. Il y a Sam aussi qui dit bourré j'ai dormi dans les chiottes publiques. Lucas Z qui dit un collègue m'a raconté que quand j'étais bourré à une soirée je me suis endormi sur une chaise et je commençais à partir en avant et je suis tombé d'un coup. J'ai tapé la tête super fort par terre et j'ai continué à dormir. Oh putain comment tu peux faire ça toi, en plus arriver dans une boîte déjà dormir. Et Andrea aussi qui dit bourré j'arrivais pas à ouvrir la porte de chez mes parents, j'ai mis 20 minutes à essayer de mettre la clé dans le trou, heureusement que c'était pas autre chose. Oui c'est sûr. Oh t'aurais peut-être été plus vite note hein. Et Guillaume complètement arraché, j'ai chié chez le voisin mais le truc c'est que j'ai chié devant lui. Oui, c'est également la grande classe, en effet. Tu vois, finalement, il y a un rapport, Anthony. Hein. Anthony, ouais. Y a eu un petit rapport. Hein. Toi, bourré, t'as déjà fait des trucs ou pas? Bah, j'ai bouffé de la merde, ouais. Ouais, ah ouais, non, mais d'accord, évidemment, puisque depuis, t'aimes bien, effectivement. Mais je veux dire, autre chose, non? Bah, moi, quand j'étais bourré, putain, j'ai fait quoi? J'ai fait voler ma voiture du sol. T'as fait quoi? J'ai fait voler ma voiture. On a volé sur à peu près une dizaine de mètres. Avec des potes, là, l'autre jour, j'ai explosé ma voiture. Non, mais comment ça se fait que on a... En fait, à côté de chez nous, en fait, on a un pont là qui est tout neuf, qui vient juste de refaire, il est hyper raide, et du coup, j'ai voulu le passer hyper vite, je suis passé un petit peu trop vite dessus, et la voiture, elle s'est envolée, on a tous volé dans la voiture, et j'ai tout pulvérisé. Non, mais bon, putain, ça... toi, t'es vraiment un con, hein. Ah bah, sur le coup, là, t'es chaud, hein. Ah ouais, complètement, attends, y a Théo aussi qui est arrivé là, Mont-de-Marsan, encore un, tiens, salut Mont-de-Marsan, comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, écoute, tranquillement, hein, là... Ah la cool, j'ai envie de dire. Bon, alors, toi, vas-y, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Eh ben alors, nous, c'était pendant les férias. Ouais. Et je me suis réveillé en slip chez un vétérinaire. T'as fait quoi? Je me suis réveillé en caleçon chez un vétérinaire. Chez un vétérinaire, mais qu'est-ce que tu faisais chez le vétérinaire? Mais il est chaud, alors je cherchais la climatisation, apparemment. Et je ah bah oui, normal. Mais ouais, mais c'est logique, il faisait chaud. Eh ben oui. Bah oui, mais voilà, mais je suis bête, effectivement, c'est d'une logique implacable. Il fait chaud, donc tu vas chez le vétérinaire et tu te dessapes. C'est la première clim que j'ai trouvée. Ah, oui. On fait tout ça en plus. Mais oui, mais évidemment, non mais c'est... Je comprends même pas comment ça se fait qu'on n'y ait pas pensé avant. Et puis en même temps, au Feria, c'est chaud quand même. Hein. Donc pourquoi? Ah bah ils sont tous bourrés là-bas. Ah oui, t'as remarqué aussi toi, hein, complètement bourré. Il faut venir. C'est-à-dire qu'il paraît que tu marches dans du vomi et tout, ouais. Là-bas tellement mais c'est dans tous les festivals, ah, en général. Par terre, c'est faut pas respirer, c'est déchets toxiques. Il vaut mieux pas tomber en effet, ouais, parce que sinon il risque de t'arriver pas mal d'emmerdes, ça c'est clair et net. Exactement. Clair et net, ouais. Toff, en bourras, t'as eu des trucs toi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le pire que j'ai fait, c'était en fait j'étais dans une boîte et je draguais toutes les meufs. Mais genre il y avait n'importe quelle meuf qui passait, j'allais la voir. Ah oui, mais c'est pas une connerie ça. Non mais t'inquiète pas, hein, il ratait comme les fois où il était sobre. Hein. Non, c'était pire encore. Ouais, parce que je pense que j'étais très lourd. Ah bon. Il est chaud lui aussi. Hein. De quoi? Il est chaud lui aussi. Alors attends, qui a dit dédicace? Moi, c'était où? Eh bah attends, t'es cool, reste calme, on est à la cool là. On n'a pas fini encore. Vas-y, pas de soucis. Reste tranquille, tout va bien. Hein, à la cool. Bon, donc Anthony, tu disais quoi toi? Je disais qu'il était vachement chaud, Toff. Hein. Ah oui, ouais. Complètement. Et sinon, la pire du monde, c'est bien sûr cette cuite stupide dans un hôtel. En République Dominicaine. Ah oui. Oh, putain, c'est vrai. je pense que c'est la pire de toutes. Le relou du relou. Alors, on va en vacances avec Toff, entre autres. Et donc, première fois où on va dans un truc, c'était all-in, mais alcool compris. Tranquille, jusque-là. Hein. Ouais. Sauf qu'il y a une bomba. Ouais, deuxième bomba. Non, parce qu'il faut expliquer que le barman nous a c'est un peu. C'est quoi la bomba? Bah c'est un alcool tu sais dans les Caraïbes. C'est un alcool flambé quoi. Donc c'est en gros le barman il te met tout ce qu'il a dans le bar. Voilà, et après il flambe le truc exactement, tu bois cul sec. Et tu dois le boire cul sec à la paille. À la paille. Ouais, enfin je sais pas exactement ce qu'il y avait dedans mais c'est violent. Ah bah Toff, il a fait la cucaracha. Ah bah ouais, je te confirme. Et donc il faut quand même. Il a pris la tête à tout le monde. Le mec nous a dit ouais vous en boirez pas plus que deux, donc on était au quatrième, on était encore à peu près intact. Et on a commencé le cinquième. Et là c'est le drame. C'est-à-dire que moi je l'ai fini complètement. Et le mec avec qui j'étais, avec qui on se la racontait, en fait il a commencé à le boire, il a gerbé à côté du bar et il a fini de le boire. Exactement. Et le pire c'est qu'après donc il y avait la piscine à côté, toi on va dans la piscine. Et donc t'as tout un habillé, couple, hein, faut savoir. Ouais, tout habillé, puis il y a un couple qui vient, t'sais, tranquille, il voulait se faire un bain de minuit quoi. Et il a été lui prendre la tête à la gonzesse. Alors que le mec était à côté. Il était casse-couille, oh, pire éclaté, moi. Ah bah franchement ouais. J'étais déchiré. J'ai un copain comme ça. De quoi? J'ai un pote comme ça. Mon meilleur pote il est comme ça. Quoi, qui cuve souvent? Ah et c'est. Oh non, mais c'est l'angoisse. Tant qu'il est encore debout, il boit encore. Ah bah ouais, y'a Clem qui dit les Firgas de Mont-de-Marsan, plus jamais j'y vais. Bah à mon avis c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup par terre. Moms également sur le Facebook, il dit une fois bourré, j'ai pris la statue dans le salon pour la mère de mon pote, je lui ai parlé et en me pardonnant du bruit que je faisais. Ah mais, je l'ai vu dans une gare à Bruxelles. En fait, t'as une espèce de mec qui est assis sur un banc. Et donc, c'est une statue, quoi. Ouais. Non, c'est une statue. Et donc, mais tu peux, t'as de la place sur le banc. Et il y avait un mec qui était assis à côté et qui parlait avec la statue. N'importe quoi. Non, ça fait de la compagnie. Hein. Et il y a Mike WS qui dit une fois bourré, je prends le train pour rentrer chez moi. Et au lieu de m'arrêter avant la frontière, j'ai atterri en Suisse. Dommage. Et Sébastien, moi, mort bourré, je me suis réveillé à poil dans le cimetière près de chez moi. Oh là il y a là. Deux semaines, ça, de ça, c'est bien récent. Ah oui, effectivement. Et puis Stéphane, tu portes lequel de chez Jacob? C'est Bloody Valentine 77. Et je travaille dès la semaine prochaine sur le parfum de Toff. Je sais plus lequel je porte. C'est une espèce de. On m'a demandé le parfum. C'est un espèce de flacon rectangulaire comme ça, un petit peu haut avec un capuchon noir. Mais je peux pas dire lequel. Hein, j'en sais rien. Donc voilà. Enfin, si jamais vous voulez m'offrir pour moi, pour Noël, n'hésitez pas. Il est au vide. Echo qui dit c'était la galère la rentrée. Putain, heureusement, m'a bouffé l'oxygène et de retour. C'est Mickaël. Bah merci Echo. Merci beaucoup à toi. Et Théo, bah vas-y pour une dédicace du coup si tu veux finir là. Ouais, alors je voulais donc passer une dédicace à tous mes potes barman de Mont. Très bien. Et bon, donc, Anis, Fred, Anto, et dire juste un petit peu de pub, on fait une grosse soirée jeudi soir sur Mont-de-Marsan. Très bien. Avec plein de vomi partout aussi ou pas? Avec du vomi partout aussi ou pas? Vomi partout, il va y avoir un poney, ça va être un truc de fou. Ah, il y aura un poney. Ah, oui, c'est possible. Après le lama, le poney. Eh oui, ça va être le poney qui va débarquer. Ça va être escalade jusqu'à des mecs qui vont se balader avec un éléphant dans la ville. Oui, à quand le dragon? Bientôt. Ah ben on sait pas. Voilà, ce sera bien ça le dragon, hein, ce serait pas mal. Bon, salut Théo, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux. Ciao. À bye. Bientôt. Okay. Merci Stéphanie, Antoine d'être passé également. Merci à vous. Et bah avec plaisir, vous revenez quand vous voulez tous les deux, y a pas de problème. À bientôt. Bon, bah, demain alors. Michel, quand tu veux Steph. Oui Antoine. Est-ce que je peux moi aussi faire une petite pub en vitesse? Eh ben vas-y. En fait voilà, on est deux, on est avec un pote là, on fait de l'animation de soirée. Ouais. Donc dans le département de l'Ain. Ouais. Donc tout ce qui est anniversaire, principalement des trucs de jeunes, 18-20 ans. Donc voilà, on est spécialisé dans le fond des pros. Comme ça, tu peux pécho derrière. Donc, 18-20 ans, c'est mieux. Ouais, bah si au passage, on peut y aller. Si au passage, hein, une pierre de coups comme ça, hop là, vite fait. Bah ouais. T'as raison. Ouais, on va pas cracher dessus. Hein. Bah ouais, bah si tu peux, mais enfin bon, ça c'est après, ça dépend du délire des meufs et des mecs, évidemment. Bon, très bien. Et on peut te retrouver où? Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook? Ouais, bah sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est Antoine, donc Renou. Ouais. Donc R-E-N-O-U-D. D'accord, Antoine, Renaud, très bien, sur Twitter. Et parfait. Donc, voilà. Donc, sur Facebook, ça. Sur Facebook. Ah, c'est sur Facebook et sur Twitter. Ouais. Et sur Twitter, ça fait 6 mois que j'y suis pas allé, je me rappelle plus comment c'est. Mais bravo. Bon, Antoine, Renaud sur Facebook, alors allez le rejoindre, il n'y a pas de problème. Salut Antoine, donc, merci à toi d'être passé, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Bah, merci à vous, maintenant ça va. À bientôt, ciao à toi Antoine. Et Anthony, bah, merci à toi aussi, mais comme je l'imaginais, peu de gens, voire personne, n'a déjà mangé son caca. Manger sa merde. Mais ouais, par contre, ce que je peux te conseiller, c'est de passer demain avec le doc. Il y aura peut-être des conseils pour toi. Oh, Mickaël, j'ai une dernière anecdote là pour vous. Ah, vas-y, vas-y. C'est un pote là qui était bourré, il est avec moi, il va vous expliquer ce qu'il a fait. Bah franchement, c'était phénoménal. Parfait, passe-le-nous. Allô. Oui, comment tu t'appelles, le pote? Moi, c'est Elias. Moi. Elias, très bien, ouais. Elias. Alors, c'est quoi la connerie que tu as faite en étant bourrasse? Nous, complètement bourrasse, vers chez moi, dans le 38. On a défoncé une caravane complètement, elle était neuve, arrivée dans le terrain, et elle est repartie sans siège, sans même le toit, il était troué. Qu'est-ce que vous avez fait? Bah en fait, bourré, à force de la soirée, tellement de monde, un sorte de projet X, mais en miniature avec une caravane. Mais vous êtes pas fini, hein, c'est un truc de ouf. C'était fou. Et vous avez eu des emmerdes après? Non, non, bah c'était la nôtre. Ah, c'était la vôtre. Ah, oui, oui, d'accord. Ah, vous êtes encore plus con que prévu, alors. C'est-à-dire que c'est même pas celle d'autres gens, après, vous pourriez vous dire, bon, tant pis, mais... Ah ouais. Ah ouais, vous étiez encore plus idiot, alors vous avez tué votre propre caravane. Ouais, ouais, on l'a pulvérisé, en fait, à la fin, elle a fini sur le toit. C'était don. Original, j'ai envie de dire, pourquoi pas, c'est original. Ah, bravo, les gars. Non, ça, franchement, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, très bien, et donc, du coup, après, bah, il a fallu payer l'addition, quoi. Ouais, bah ouais, voilà, ouais. Réparation? Enfin non, il y a un poubelle, quoi. Avec du scotch, hein, enfin, avec sympa, peut, ouais. Très bien, oui, le scotch, pas mal, ouais. Bon, ouais, merci, ouais, alors, Elias. Une petite dédicace, là, allez, vas-y, vas-y, il y a une personne, là, vas-y. Vas-y, bah, une dédicace à Elias, Flo, Jimmy, Romain, toute l'équipe de Montagne de Garde, lui, vas-y, allez, voilà. Voilà, c'est parfait. Eh bien, la dédicace est bien passée, il n'y a pas de problème. Salut, Anthony. Allez, pas de soucis. À bientôt, allez. Ciao. Ciao. Bon, et puis bah on va continuer encore un petit appel avant de partir là. Hein. Allons-y. On a encore un peu de temps là, c'est parti, on y va. Je rappelle que depuis tout à l'heure, donc on appelle des gens pour leur proposer un nouveau système de femmes de ménage. Oui, enfin c'est-à-dire que c'est eux qui le font le ménage, mais c'est moi qui les encourage. Oui, voilà, c'est ça, tu encourages à coup de fouet. Oui. Voilà. Il y a que ça de vrai. Exactement. Donc on y va, on appelle encore pour proposer les services de cette nouvelle société qui cartonnera certainement, en tout cas j'espère. Bien sûr. Bah oui, écoute, on va voir. C'est parti, on appelle. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui? Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais venir vous aider à faire le ménage, monsieur. Non, c'est un faux numéro. Ah non, pas du tout, monsieur. Hein, je voulais venir vous aider avec mon fouet et ma cravache. Vous êtes là, monsieur? Oui, mais je ne comprends pas. Eh ben, c'est très simple, en fait. Vous faites le ménage, et si moi je vois que vous n'êtes pas très attentif à ce que vous faites, ou si vous n'êtes pas assez rapide, un petit coup de fouet ou un coup de cravache. Hein, c'est pour vous motiver, à faire le ménage plus vite. Est-ce que vous comprenez? Non, toujours pas. Ben, c'est très simple. Hein, je viens avec mon fouet chez vous, hein, vous vous mettez en tenue d'Adam, et ensuite, vous faites le ménage. Et si moi je vois que vous ne faites pas les choses bien, je vous corrige. Je vais raccrocher, je ne comprends pas votre humour. Bonne mais journée. C'est pas de l'humour, monsieur, c'est pour vous aider à faire le ménage. Ça ne m'intéresse pas. Bah, attendez, monsieur, vous allez faire le ménage beaucoup plus vite après. Au revoir. Je ne comprends pas. Hé, l'autre, à mon avis, dormait. Hein. Bon, on le rappelle. C'est le fils de... De pute. Oh, oui, oui. Décroche plus, il s'est rendormi. Oui, oui. Excusez-moi monsieur, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte de la chance de ce que je peux vous apporter. Il parle même pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez monsieur? Je n'ai pas envie de vous écouter monsieur. Bah, enfin monsieur, ça se fait pas. Moi je vous appelle gentiment pour vous proposer mes services, vous voulez pas m'écouter? Vous n'avez pas appelé les gens pour des conneries. Bonne journée, au revoir. Vous êtes un imbécile. Voilà, le fils de Josh dit vous êtes un imbécile. Vous êtes un imbécile. Oui, oui, il était pas mal. Il était un peu rock'n'roll, hein. Mais oui. Vieux, alors. Hein. Oui, oui, c'est. Bah, je sais pas s'il était vieux ou jeune, endormi, bah, je sais pas très bien. Mais il y avait un truc qui s'était pas clean dans sa tête. Non, il avait l'air un peu. À mon avis, la fatigue. Pas bien, quoi. Ouais, je pense qu'il devait y avoir un petit peu de problèmes de fatigue. Il y a Eric aussi qui dit moi, il m'est arrivé de courir sur une route avec un pote, comme un parano, par peur des flics. On s'est jeté plusieurs fois dans des champs de poireaux et de légumes. On s'est réveillé dehors sur un terrain vague, plein de terre partout. On comprenait rien à ce qui nous est arrivé. Oui, effectivement, là, il y a eu un petit problème, Eric. Nous sommes d'accord avec toi. Il y a eu un petit truc, c'était pas clair. Pas clair, clair dans ta tête. Bon, allez, 2h du mat, il y a pour une fois tout à l'heure. Bon, on va se faire le top tweetos. Allons-y. Allez, le top tweetos. J'ai une information capitale à vous annoncer. Bon, numéro 5. On va commencer par le 20e. Non, Lesbian Freak, c'est 20e. Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ah non, elle a été stoppée par. Elle a envoyé 30 tweets et elle a été bannie pendant une heure ou deux heures, je crois. Et bien, donc, du coup, elle se retrouve 20e. 20e. Elle est vénère. Bon, on va épargner 19, 18, tout ça. Donc, 5e. 5e, Fafa 44-260. Très bien, numéro 4. Melo. Melo, numéro 3. Queen Queen du 08. Queen Queen, on la connaît pas celle-là, non? Non, les trois premiers, on les connaît pas. Eh bah, bienvenue Queen Queen du 08, numéro 2. Bomba Shoot. Bomba Shoot. Ah bah, la bomba, tiens, justement. Tiens, on en parlait. Tiens, bah, bienvenue à toi, Bomba Shoot. Hein, directement deuxième, c'est pas mal. And the new number one. Read 3R. Read 3R. R-I-D, 3R avec un underscore au début, mais. Ouais, d'accord, ok. Donc, j'ai pas, je sais pas comment underscore, Read 3R, enfin bref. Eh bah, bravo, nouveau numéro 1 là, c'est bravo. Bien, ça commence à bouger un petit peu au niveau moi, du numéro 1. Moi, je félicite les SBFX pour cette belle 20ème place. Ah ouais, 20ème place. C'est le plus mauvais score depuis le début de l'émission. Alors que Toff allait venir ce soir à Nice pour te souiller, et malheureusement, vu cette 20ème place. Ah je peux pas, moi je peux pas souiller quelqu'un qui est 20ème. Donc Let's Be Free, il va falloir être demain numéro 1. Et il s'engage, si t'es demain soir numéro 1, à aller sur Nice ce week-end pour te souiller. T'es engagé à ma place. Non, tu t'engages ou pas? Non, il s'engage. Oh là là, oh là là. Ah, il s'engage. Tu t'es engagé là. Voilà, il s'est engagé. Il s'est engagé. Je m'engage pas. Engage-toi. Il s'est engagé. Dans l'armée si tu veux, mais pas pour ça. Oh, genre. La Légion. C'est ça. La Légion étrangère, monsieur. Voilà, Let's Be Free, comme ça tu sais à quoi t'attendre. Bon, ben merci en tout cas tout le monde. On va se faire le générique de fin. Attention, vous êtes prêts? Ouais. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Ils peuvent te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur. Oncle, t'encules comme toi. Toi l'enculé. T'es un enculé. Pire. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est normal. Toff s'est engagé. Exactement, oui. Connard. Sale con. Connard. Qu'est-ce qui se passe ici? Suce ma bite. Ah. Elle est arrivée plutôt. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Connard. Sale con. Toi l'enculé. Allez, on recommence. Ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu boutais vite off de juger, toi l'enculé. Connard. Un enculeur. Enculé. Sale con. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Eh oui! Eh ben voilà, ça y est, c'est plié comme ça. La bonne affaire! On revient demain à partir de 23h en pleine forme. Merci à tous ceux qui ont été, qui étaient connectés ce soir. On va saluer comme ça au passage quelques-uns qui étaient là. Il y avait Moms, bien sûr, sur le Facebook. Il y avait Eric, il y avait Rafi, il y avait Guillaume. Bravo encore à Eva qui a chopé ce soir la Xbox One et qui est sur le Facebook. Je vous invite à aller lui dire bonjour, elle est plutôt mignonne. Non, il est très charmant. Voilà, bravo à elle. Virginie également, il y a Sayaruka qui était là, il y avait Olivier, il y avait Magalexi, Philippe, Rafi, Adriane, Christelle, entre autres, et puis bah évidemment sur le Twitter. Plein de nouveaux qui sont arrivés sur le Twitter, bienvenue à vous, DJ Jerem, il y avait Denis bien sûr, il y avait Maxime, il y avait Uncut, il y avait également Paul PC28, Didier, DJ Roms, etc. Monsieur du 59600 qui a débarqué également. Et puis bah tous les nouveaux, je vous rappelle que si vous me suivez sur le Twitter, eh bien je vous suivrai également. Il y en a beaucoup qui sont arrivés ce soir, notamment Anthony que je follow maintenant, Maxime également, Ariel, Lenny, Féald, Mathieu, etc. Fernandez, Alex, Fab, Hello, wow, wow, wow, wow, wow. Également dessus. Voilà, merci à vous en tout cas. Rancard demain dès 23h en pleine forme sur Fun Radio. À demain. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et j'allais partir sans dire bonjour à notre ami JB, dis donc. Comment ça va? Bah écoute, ma foi, plutôt pas mal. Très bien. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bah, adieu. Quelle fraîcheur ce JB. Ah, toujours. La toujours. Fraîcheur de la night. La grande fraîcheur, ouais. Effectivement. Ah, c'est surtout qu'il sort du lit, quoi. Oui, en plus, effectivement. Et jeudi, j'ai dû faire 65 siestes. C'est vrai? Bah c'est j'ai bien. Rien foutu. Et je rappelle que JB, et c'est une information très importante, est un... Connard. Voilà. Doublé d'un... Sale con. Voilà. Et vous le retrouverez jusqu'à 6h du mat. Et oui, c'est beau, parce que ça, juste après, c'est moi. Non, la France attend Bruno Guillon, et eh bien je suis là. Qu'est-ce qu'il est mauvais imitateur. Oh là là. Non mais calme-toi. Oui, il vaut mieux, ouais, calme-toi un petit pour peu, effectivement. Bruno Guillon. Ouais. Oui, complètement, complètement. Ta gueule, connard. Voilà, il était bien le... La France. Bon, j'y vais avec le son d'Anne Florge jusqu'à 6h du mat. On écoute quoi? Bah j'en sais rien, c'est toi qui fais la... C'est JB qui fait la prog, hein, je tiens à le rappeler. Ouais, il a dit tout à l'heure, j'en ai rien à foutre. Voilà. L'ordre, ça, je mets ce que je veux. Exactement, c'est moi le chef. Exactement, c'est lui le patron. Bon, bah alors, écoutez, Lamartin Solveig. Lamartin Solveig. Lama. Ah, Lama, oui, oui, bien sûr, Lama. Aïe, aïe, aïe, aïe, c'est pire en pire. Tu tombes plus bas tous les jours. Non, c'est très drôle, moi j'aime beaucoup JB. C'est nul, c'est pas nul, c'est très nul. Je t'aime. C'est très, très nul. Bon, on va s'écouter Tayo Cruz. Ah bah oui si tu veux. La Martin. Non moi je veux pas mais comme le tu lama veux. Du métro. Ouais, c'est ça. Non. Ouais. Non, oui, du tramway. Serge Lama. Ouais. Ouais, du tramway. Oh putain, s'il faut expliquer la vanne, c'est qu'elle était vraiment pas terrible. Et demain, je vous en ferai une autre. Non, ah, attends, bah, surtout, te sens pas obligé. Si, hein. Parce qu'en fait, j'en ai pensé une, mais je la ferai à 6h. Mais heures dis-moi, avec tu as la. Il recycle ses vannes. T'as vu, il la garde pour le morning, alors que nous, on pue la merde. Ouais, c'est ça. Elle est mieux que la Martin Solveig. Tu as l'amateur de vanne, toi. Ah ouais, j'adore. L'amateur de vanne, exactement. Mon Dieu, mon Dieu. On va se. Il est temps de partir, je crois. Non. Je me taille au Cruz. C'est épouvantable. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. Je me fais humilier en studio. Ouais, bah c'est normal. Hein, maman, pour toi, oui, là ça par contre c'est la honte. C'est, hein, bah, c'est le pire de tout, mec. Ça c'est la honte. Ouais. Allez, bonne nuit tout le monde. Rencard demain dès 23h. Et puis tout à l'heure, ne loupez pas évidemment. À 6h du mat, ce sera notre ami. Juste avant, il y a une très bonne vanne, je vous promets. Bah restez là jusqu'à 6h, hein. Joe teasing, hein. Putain, ça donne envie de rester. Ah ouais, c'est gros teasing. Hein. Ah ouais, ouais. Allez, Tayo Cruz maintenant, c'est Dynamite sur Fun Radio. À demain, 23h, après la Vin Fun. I came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor, cause that's my plans, plans, plans, plans.